Bonsoir à tous et à toutes, l'émission Mavrika tous les vendredis soirs à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique et on a déjà commencé avec deux très bons morceaux. Alors dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir aussi des invités en direct et ce soir ce sera le cas depuis la rentrée. On est rentré au mois d'octobre, donc on avait reçu les Deep Turtle, voilà. Parce que là j'ai mis mon truc, il n'est pas à jour, bon c'est pas bien grave, je l'ai mis à jour après, parce qu'on devait recevoir normalement le 4 octobre les Twister Cover, et malheureusement leur album n'était pas sorti à temps, donc ils ont remis ça à plus tard. On les reconvoquera pour venir donc divulguer leur dernier enregistrement ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans une prochaine date. Le vendredi 11 octobre, nous avions reçu The Margis Dream Pop Orchestra. Le vendredi 18 octobre, c'était Arnaud Walden qui était là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi 29 octobre, c'était le groupe, le projet Glace de Nom, on va dire ça comme ça. Vendredi dernier, donc le 1er octobre, c'était Mayel, donc la première émission consacrée à Mayel. On a passé un très bon moment, il y a eu du live, il y a eu tout ce qu'il fallait pour faire une très bonne émission. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast. Vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika et sur le mur, vous retrouverez donc un lien qui vous permet d'écouter chaque émission. La semaine prochaine, nous recevons la bande à Pierrot, ça sera le 15 novembre. Et le 15 novembre, ça tombe bien parce que c'est la veille du 16. Et le 16, ça sera le Mavrika Live numéro 13 à l'espace Bérère à la chapelle Saint-Mémin, organisé par l'association Mavrika. Et la bande à Pierrot sera donc en interscène avec d'autres groupes. Voilà, on va passer un très bon moment. On en reparlera d'ici là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a un groupe qui est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont en train d'attendre parce qu'ils sont en train de nous entendre discuter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a déjà passé quelques morceaux, le temps de s'installer aux commandes de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté Mayel avec le titre Maman Pourquoi, donc c'était la version studio. Hein. On a écouté les Deep Turtles avec une version enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage. Le morceau, c'était un morceau de Noir Désir qui s'appelle Comme elle vient. On a écouté la toute nouvelle chanson de la Jarry. Alors Benoît, le chanteur, me l'a envoyé tout à l'heure. Il m'a dit tu veux que je t'envoie le fichier et tout ça. Il n'y a pas de souci, ce qu'il me l'envoie, ben on le diffuse dès ce soir. Et c'est chose faite. Alors ce morceau s'appelle Les Chanteuses. J'espère que ça vous a plu. Et on a aussi écouté une exclusivité. Alors je vous ai déjà passé ces artistes. Ils chantent en anglais, ils chantent en français. C'est un artiste parisien, mais d'origine portugaise. Et là, aujourd'hui, je vous ai passé un morceau qui était interprété en portugais, qui s'appelle Até o Fim. Et donc, j'espère qu'il sera aussi diffusé dans les autres émissions de Radio Arc-en-Ciel, puisque je sais que la communauté européenne est nombreuse à nous écouter. Voilà, on a écouté aussi Kaisaria avec Small Town Bone, une reprise de Bronski Beat. Et à l'instant, on vient d'écouter The Sound Comet, avec un morceau qui s'appelle Same Walk. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. Et ce soir, comme je vous l'avais dit, on est avec un groupe dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ce groupe, c'est leur premier passage dans nos studios, s'appelle La Tournée du Baron. Et on va découvrir tout leur univers. On est ensemble donc jusqu'à 22h. Et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Bah, vous installez bien confortablement. Moi, je suis au contrôle. Et on va retrouver juste après... le groupe voilà, je suis en train de regarder, bah non, j'ai pas calé de morceaux, donc je vous cale un morceau et on l'envoie, et derrière on se retrouve avec la tournée du baron. Voilà, toujours un petit peu à l'arrache, et ben je vais pouvoir vous l'annoncer. Alors, ça s'appelle Malin Petit Lapin, et c'était le groupe que nous avions reçu il y a quelques semaines, The Margies Dream Pop Orchestra. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ici à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans. Et nous recevons donc pour cette émission numéro 614, voilà quand même, hein, 614, hein, bientôt 15 ans qu'on fait cette émission Mavrika. Et à chaque fois, on reçoit des artistes. Et dans cette émission numéro 614, nous recevons la tournée du Baron. Ils sont là, ils sont présents. Il en manque un, mais bon, on va déjà commencer l'émission quand même, c'est pas bien grave. Il en manque un pour ce soir, mais normalement, il en manque deux. Voilà. Alors, bonsoir la tournée du Baron. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà. On entend vos voix, donc je vais régler les micros au fur et à mesure. Alors, c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, le quatrième est arrivé pour ce soir. Et il va en manquer un, c'est le batteur qui sera pas présent, mais on va quand même présenter les autres. Donc, ce soir, nous recevons la tournée du Baron. Voilà, on laisse tout le monde s'installer. Alors c'est Matt qui est venu. Alors c'est une personne qui est déjà venue avec plusieurs projets différents. Alors toi, tu es le bassiste du groupe, hein. Ça n'a pas changé d'instrument. Toujours la basse. Alors t'étais venu avec Red Rift. J'étais venu avec Red Rift, avec Il Valet, avec Monston aussi. Monston aussi, voilà. Ouais. Donc pas mal de bons artistes que tu as. Et donc ces projets-là, ils sont en stand-by ou qu'est-ce qui se passe? Alors Red Rift aujourd'hui, depuis que je suis parti de Tours, s'appelle Alter Sonic. D'accord. Ils ont changé de nom quand je suis parti en fait. Mmh. Et donc Il Valet n'est plus. Et du coup, Monston existe encore à Bourges et on leur souhaite une longue route. Encore. D'accord. Voilà. Mais tu es plus avec eux non plus? Alors je travaille plus avec eux parce qu'à l'époque j'étais manager pour eux et en fait ça s'est fini parce qu'on a pris des chemins différents, mais on se recontacte toujours avec Raph notamment. Oui, Raph. Ouais. Avec grand plaisir. Ouais. Qui était venu deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je m'en souviens très bien. Ouais. Voilà. Et en tout cas un super groupe. On va chercher des morceaux, on va essayer de diffuser quelques morceaux aussi pour illustrer un petit peu. Et puis aujourd'hui donc tu viens avec la tournée avec du la Baron. Tournée du Baron. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un nom un petit peu original, hein, déjà, première chose. Et tu vas nous présenter les autres membres du groupe. Alors déjà, j'allume tous les micros, voilà, il en manquait certains. Voilà, c'est bon, donc tout le monde a son petit voyant allumé. Alors on va commencer de droite à gauche, comment vous présenter. Alors déjà, on va regarder, qui c'est le chanteur? Le leader. C'est moi. D'accord, le chanteur, donc. Voilà, moi c'est Valentin. Valentin, d'accord. Bah voilà, je chante de temps en temps. Tu chantes. Il paraît pas trop mal en plus. Ça c'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est Matt qui l'a dit. Et j'écris aussi. Et ceux qu'on a joués, c'est moi qui les ai composés. D'accord. Voilà. Donc tu composes, tu fais la musique. Ouais. Auteur, compositeur. Plus ou moins. J'ai trouvé des suites d'accords pour la guitare. Après, ils se sont débrouillés avec ça. D'accord. Ok, on va voir comment vous travaillez après. Donc, toi, tu es au chant. Donc, voilà, ton instrument, c'est le micro. Tu joues d'un autre instrument ou non, pas du tout? De base, je jouais la guitare. D'accord. Mais je pense que j'étais pas assez bon pour faire guitare et chant en même temps. Donc, j'ai délégué. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, comment les gens, ils arrivent à faire deux choses en même temps. Mais il y en a qui arrivent très bien. Compris. Très bien. Donc, ensuite, l'autre membre. Allez, on continue dans quel sens? On continue dans le même sens. Ok. Alors, moi, c'est Richard. Richard. Je suis saxophoniste dans le groupe. Donc, un saxophone, ouais, c'est original parce que tous les groupes n'ont pas un saxophone. Ah ouais, je les remercie de l'avoir accepté. Hein, parce que... Ah, faudra qu'on raconte un petit peu l'origine, l'annonce, etc., qui était complètement folle. Ouais, une idée avec Valentin. Tu veux que je développe un petit peu? Ouais, si tu veux. Ce qu'on va faire, on va continuer de présenter les différents membres. Mais et après, je vais vous poser des questions. On va tout savoir sur vous. C'est trop bien qu'il soit là. Donc après le quatrième membre qui nous a rejoint ce soir. Oui, les chaises devraient être graissées parce qu'il y a des petits bruits un peu bizarres. Mais bon, c'est en direct live. Hein. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est en chair en os. On est tous vivants pour l'instant. Donc voilà, c'est le côté live. Donc le quatrième membre qui nous a rejoint ce soir, c'est Fabien. Et bien, Fabien. Bonjour à tous. Voilà, j'ai rejoint la tournée du Baron. Parle bien face à ton micro parce que on a l'impression que t'es au bout de la pièce. On m'entend mieux. Ouais. Et puis tourne en face, carrément en face, si tu peux. Ouais, voilà. Le micro il est à l'envers, je sais pas pourquoi. Bon, on va y arriver. Voilà. Voilà. Test. Ah bah oui, là c'est beaucoup là, mieux. Là c'est mieux, ok, ouais. Parfait. Ouais, donc j'ai été recruté entre guillemets par Valentin qui m'avait dit viens, on va faire de la guitare ensemble, on va monter un groupe et faire ce qu'on peut, faire ce qu'on aime, essayer de faire quelque chose. Mmh. Et j'ai tout de suite signé. D'accord. Donc signé pour 50 ans, c'est ça, hein? Minimum. Minimum. Fabien, okay. Développe, t'étais pistonné, t'es pas n'importe qui. Comment ça, je suis pistonné? Tu sors pas de nulle part, en fait. C'est le chanteur, quand même. On m'a pris pour mon talent. D'accord. Bah oui, je suppose que c'est pour ton talent qu'on t'a choisi. Et voilà. Donc, voilà pour les quatre membres présents. Et après, il y a la personne qui a pas pu se déplacer ce soir, qui est le batteur. Absolument, ouais. Il est excusé d'ailleurs. Ouais, on l'excuse. Hein. C'est le batteur excusé. Donc il s'appelle Roméo. Roméo, d'accord, voilà. Donc là j'ai le nom de tout le monde. J'ai Matt, Valentin, Richard, Fabien et Roméo. Donc 5 membres du groupe. Donc c'est une formation normale plus un saxophone. Voilà, on va dire ça comme c'est ça. Moi qui suis pas normal, c'est ça. Ouais, d'accord, c'est bien. Non, parce que c'est vrai que la formation, c'est toujours batterie, basse, chant et guitare. Voilà, souvent c'est ça. Et saxophone, c'est le plus. Ouais, on va dire comme ça, on dit c'est la cerise sur le gâteau. Tu es notre valeur ajoutée, en moi, fait. Je suis la cerise, t'as pas écouté. Notre fruit. Alors, très bien. Alors, déjà, on va commencer par la tournée du Baron. Où est-ce que vous avez trouvé ce nom-là? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Allez, on va dire pourquoi. T'es sûr qu'il veut pas expliquer à ma place? C'est moi qui explique, du coup. Donc, au départ, on avait dit, tiens, le rock du Baron. Mais pourquoi? Parce que les deux personnes qui sont autour de moi sont frères et portent le magnifique nom qu'on a le droit de citer ou pas? Bien sûr. Donc, ah bon? Baron Rock. Baron-Rock. Et donc, d'accord. Du coup, le rock du Baron. Sauf que, non, on fait pas de rock, en fait. Du coup, c'était un peu bidon de s'appeler comme ça. D'accord. Donc, on aime bien boire des coups, n'est-ce pas? Faire la fête, festoyer. D'accord. Disons que ce Baron, en fait, est une personne imaginaire. Mmh. Et que, il paye sa tournée, la tournée du Baron. Tournée du Baron. Donc, il y a la tournée des Grands Ducs, il y a la tournée plusieurs choses comme ça. Et vous, c'est le Baron. Voilà. Exactement. Très bien, donc pour le nom, c'est impeccable. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, Valentin et moi, c'est facile. Ah, ça remonte à quelques années déjà. Ouais, je me rappelle plus trop d'ailleurs. Je crois que je connais tes parents, non? Tu les as déjà vus, non? Ouais, une fois, ça remonte aussi. Mais, au week-end dernier, quand on a mangé tous ensemble, c'est ça? C'est hyper longtemps. Soit. Comment on a monté ça? Alors, moi, j'avais mes chansons et ma guitare, et je m'ennuyais tout seul et je me lassais de mes chansons. Du coup, j'ai voulu du monde pour jouer avec moi. Donc j'ai juste au début posté une annonce sur Facebook, une petite bouteille à la mer, et il y a un bassiste qui m'a répondu et qui m'a dit ouais, ce serait cool, faut qu'on fasse ça. Je lui ai dit ok, et on s'est pas recontacté pendant plusieurs mois. Et après il est revenu, il a dit mais faudrait vraiment qu'on se voit. Ouais ouais, parce que des fois c'est des paroles comme ça et puis et des fois aussi c'est voilà on a envie de le faire mais c'est pas le moment tout à fait. Et puis un jour voilà, c'était le moment, il t'a recontacté. C'est ça. Et c'était la naissance du groupe. Parce qu'en fait, ouais, c'était vraiment un style qui me bottait. Puis j'étais jamais allé par là, comme tu me connais depuis quelques années maintenant. D'accord. Moi, c'est plutôt le pop rock et tout, la grosse disto. Et en fait, je me suis dit ouais, chanson française, la chanson française, j'ai la jamais fait. Française. Et du coup, je t'ai contacté après direct et on s'est rencontrés. Puis on se lâche plus maintenant. D'accord. Donc vous avez déjà dit le style de musique que vous interprétez, c'est chanson française. On va dire ça comme ça. C'est compliqué à définir. On avait du mal à définir déjà. Moi j'aime bien dire du folk punk, mais je pense que ça va vraiment. Ça fait du flump. Du flump, ouais. Et voilà une nouvelle. Vous êtes les meilleurs groupes de flump du monde. C'est vachement difficile à prononcer en plus. Surtout la radio, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Très bien, donc. Et après, vous étiez deux membres, et après, les autres? Une super annonce qu'on a postée sur un site. Mmh. Et on s'est dit, tiens, si on avait des instruments qui soient un petit peu hors des sentiers battus, et ça pourrait être cool, surtout pour le style qu'on veut donner. Et là, Richard nous a répondu. Et on s'est dit, waouh, un saxo, la classe! Et on s'est rencontrés, puis voilà, ça a matché. Ouais, voilà, je suis arrivé, j'ai écouté un peu ce qu'il faisait. Alors, en mode acoustique, hein, on était vraiment dans un salon, juste la guitare sèche, et puis. Il m'a montré ses chansons et ils m'ont dit tu peux faire quoi là-dessus. On a joué ensemble une soirée, on a passé une super soirée et depuis c'est parti. D'accord. Donc voilà, le groupe est né comme ça. Un peu, ouais. Et après, les autres membres alors? Alors, Fabien, toi, je t'avais pas vu à la première soirée, mais t'avais peut-être déjà, t'étais déjà venu. Moi, je crois que j'avais déjà une place attitrée. Non, mais t'avais déjà commencé. Non, même pas. Ouais. Il est arrivé qu'après. Ouais, ouais. C'est, je l'ai un peu, c'était un peu un traquenard. Je lui ai dit, viens, t'inquiète, ce soir on fait une petite soirée tranquille. Et quand il est arrivé là, il y avait tout le monde. Fait, allez, vas-y, joue de la guitare. Allez, vas-y, maintenant t'es. On m'a dit répète, on m'a dit que j'avais pas appris mes partoches alors que je venais d'arriver. Puis il a dit qu'il voulait faire du banjo, j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais, ouais. Le banjo, sacrée histoire aussi. Et pour Roméo, c'est un pote qui faisait du sport avec moi. Donc, je savais qu'il faisait de la batterie, je lui ai dit bon, bah, il nous faut un batteur, viens. Parce que les autres, on va pas choisir, on va te choisir toi, c'est bon, tu vas faire l'affaire et puis c'est bon. Quoi. Et s'il veut se défendre sur cette version, il avait qu'à être là. D'accord, très bien. Donc voilà comment le groupe est né. Alors le groupe il existe depuis combien de temps? C'est hyper récent, hein. Ouais, c'est quoi, c'est début juillet fin ouais, c'est ça, je crois. C'est ouais. Quelques mois. Non, quelques mois. Et, ça va vite. Bah, l'avantage, c'est que tout était écrit déjà. Bah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, donc il y avait déjà une bonne base. Donc à partir de là, vous répétez régulièrement tous les combien? Bon, une fois par semaine. Une ouais. fois par semaine. Ça se passe où? Chez l'un, chez l'autre ou... Ouais, on alterne, soit chez Richard, soit à la maison. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, donc une fois par semaine, et il y a de la rigueur, vous travaillez beaucoup. Il y a de la rigueur pendant environ une demi-heure, c'est ça. Tant qu'on n'a pas ouvert les bières, ouais, c'est assez rigoureux. Mm-hmm. Non mais vraiment, on a des deadlines toutes mignonnes, donc en fait on a un travail qui est tranquille, quoi. On avance tranquillement, on amène une chanson, voire deux par répète, on travaille, puis après on réitère, mais ce qui est pratique, comme le disait tout à l'heure Valentin, c'est que le matériel, il est déjà là, on a déjà les chansons, donc on n'a plus qu'à faire ce qu'on veut dessus, et c'est chouette. D'accord, très bien. Donc, vous avez le groupe est récent, vous avez déjà des morceaux, vous en avez déjà enregistré, on va en écouter ce soir, donc ça va très vite. Et est-ce que vous avez fait des concerts déjà? Eh ben non, pas encore. Pas encore. Donc là, pour l'instant, vous avez travaillé, vous avez fait des enregistrements, donc les morceaux sont finalisés. Ça y est, vous savez ce qu'il faut faire dans chaque morceau, hein, chacun dans votre partie. Et puis là, vous êtes prêt pour partir en tournée mondiale. Voilà, c'est ça, non? Pas mondiale, on va rester dans la région d'abord, mais on a quelques dates prévues pour la rentrée 2025. Ouais. D'accord. Donc, on les a mis sur notre Facebook. Alors, je crois que ça commence. Elles sont déjà actées. Ouais, ça commence en mars, hein, si je dis pas de d'accord. bêtises. D'accord. Ouais, au mois de mars, ouais. Ouais. Un traîneau, lourd. D'accord. Voilà, donc, ensuite, en avril, on va à Messa. Messa, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un S à la fin, il me semble. Ouais. D'accord. En mai, on va à Dampierre-en-Burly. En juin, on va à Vierzon, et puis je sais pas, le 21 juin, on n'a pas encore jeté notre dévolu. On n'a pas encore acté sur le 21 juin, ouais. On va trouver. En juillet, on va à Marcilly-en-Villette. Voilà, on a quelques petites dates pour l'instant qui se placent. Voilà, d'accord. Une par mois à peu près. Ça serait ça, ouais, l'idée. Ok, donc une par mois, c'est le rythme que vous allez essayer de garder ou... Ce serait pas mal, ouais. D'accord, hein, donc ça ferait une douzaine de concerts par an, donc voilà. Là, les enregistrements, ils ont été faits. Alors, vous me l'avez dit tout à l'heure, à Polyphonique. Polysonique, ouais. Polysonique, ouais. Donc c'est dans un studio. Vous avez enregistré ça comme ça et tout ça. Est-ce que il va sortir en mode physique? Physique, pourquoi pas? On n'a jamais trop parlé. Le digital, ce serait ouais. Parce que celui-là, c'est un peu la maquette. Peut-être en physique. Faudra peut-être le réenregistrer dans un studio un peu plus. Il y en aura d'autres aussi. Là, il y en a que 5, c'est pas. Ouais. Quand les aura éprouvés en live, on les jouera plus pareil après. Ce sera l'occasion de les refaire autrement. D'accord. Oui, c'est vrai que les morceaux continuent d'évoluer. Hein. Il faut dire que quand on les enregistre, c'est toujours le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont enregistrés, ils sont figés. Ouais. Et souvent, des fois, s'il fallait les réenregistrer quelques années après, vous les enregistreriez plus de la même manière, vous les interpréteriez plus de la même manière non plus. Donc, effectivement, c'est le côté vivant. Après, c'est un petit peu dommage que les morceaux soient figés et qu'ils évoluent plus du tout. Quoi. Donc là, pour l'instant, vous attendez un petit peu, peut-être de les faire mûrir un petit peu, quand on les aura vraiment bien en main, il y a Mathieu qui va rajouter des chœurs. Il y aura des chœurs, il y aura peut-être une contrebasse, il y aura du banjo aussi qui sera là. On a plein de projets. D'accord, un grand orchestre, quoi, finalement. Donc vous êtes plusieurs multi-instrumentistes ou comment ça se passe? Bah, on se découvre ouais, les uns les autres à se dire tiens, tu sais faire ça, c'est trop cool. On va rajouter ça. C'est ça. Donc, et pourquoi pas une cornemuse un séjour aussi avec le saxo de l'espace de Richard, il y a moyen, je pense. Je me suis dit, je suis sûr qu'ils vont se foutre de moi ce soir, mais c'est bon, c'est ça y est. Non, parce que j'ai un saxo classique et j'ai aussi un truc qui s'appelle un aérophone, c'est une sorte de saxo électrique, électronique. C'est un petit peu comme un synthétiseur, sauf qu'on souffle dedans. Et donc, on peut choisir des sons un peu originaux. Et... Ça s'appelle un aérophone? Ah ouais, ça s'appelle un aérophone. D'accord, parce que il n'y a pas un... Ah, le Melodica. Au départ, j'utilisais le Melodica, mais... D'accord, c'est pas pareil encore. Non. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est pas électronique, on peut pas modifier les sons comme sur un synthétiseur. D'accord, alors que là, c'est carrément un truc, c'est carrément un synthétiseur derrière derrière une interface qui, dans laquelle on souffle, quoi. Une des chansons de ce soir sur laquelle je joue avec, on n'entend pas le saxo, on entend cet instrument, c'est un peu un son d'harmonica, d'accordéon, enfin, à vous de voir, vous verrez, vous me direz. D'accord, très bien, bon, ce qu'on va faire là, déjà on commence à vous découvrir un petit peu, on a envie d'écouter un petit peu votre son, donc on va commencer par un morceau qui s'appelle comme le groupe, hein, la tournée du patron, donc la tournée du patron. La tournée du baron. C'est qui le patron ce soir? Donc la tournée du baron, voilà. C'est vrai que ça se dit aussi, la tournée des grands ducs, la tournée du patron, ouais. Et là c'est la tournée du baron, voilà, donc le titre s'appelle de la même manière, donc, tout simplement. C'est parti, on écoute le premier morceau, la tournée du baron, avec la tournée du baron. Et tiens, quitte à parler de verre, le mien est vide. Par où c'est à tourner, ma gorge devient ride. Le voilà notre cachet, on le paye en liquide. Il suffit d'un pichet et le jeu devient fluide. Lève ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance nos chansons. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. Remplir l'Olympia. Pour la télévision, on n'a pas grand format. On gagnera pas d'argent et on s'en fiche. Je considère souvent que j'ai un public de niche. Et là je suis sincère, c'est pas pour dénigrer. Mais au dernier concert, seul mon chien est resté. Mets ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance nos chansons. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. Si ce que je raconte ne te plaît pas vraiment, j'avoue je n'ai pas honte, ça plaît à mes parents. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai le micro. Je peux gueuler comme un con, je peux même chanter faux. Toi qui apprécies ou qui trouves pas si mal nos petites mélodies et nos refrains bancales. Allez, je t'encourage, reprends avec moi. Gueuler comme un sauvage, faire ça ce qui n'est pas. Lève ton verre et monte le son. Plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance nos chansons. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. Lève ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance nos chansons. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. Lève ton verre et monte le son. Le plaisir est offert, c'est la tournée du baron. La bouteille à la main, on balance nos chansons. Et goûte à ce refrain, c'est la tournée du baron. We'll love your game. Keep out of your game. Voilà, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. C'est l'édition numéro 614. Le temps passe très vite. Hein. On a reçu de nombreuses personnes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Les meilleurs groupes de la région passent dans l'émission Maverick. Il faut quand même bien le dire. On a écouté donc deux morceaux à la suite. Le premier, c'est le groupe que nous recevons ce soir. Donc la tournée du Baron. Avec, pas du patron, ni du grand-duc, ni non, c'est du Baron. Voilà. Avec un titre qui s'appelle La Tournée du Baron, et à l'instant c'était le groupe qui s'appelle The Uncle Bikers avec As Long As I Can Run. Voilà. Donc on va continuer à découvrir votre univers. Voilà, j'avais un petit souci avec Facebook, hein, donc j'ai pas pu me connecter, j'ai vu qu'il y avait des petits messages et tout ça. Ne vous inquiétez pas, on a repris le contrôle. J'ai dû changer mon mot de passe, hein, parce qu'apparemment il y a déjà eu des petits trucs dessus, et comme quoi on n'est jamais assez prudent, il y a quand même des gens qui sont très malins pour s'accaparer votre Facebook, etc. Donc là c'est fait, on l'a récupéré, et cette fois-ci on va pouvoir échanger. Donc j'ai déjà partagé une image de nos invités ce soir. Il y aura d'autres photos, hein, dans le cours de l'émission, on va prendre d'autres photos et on les postera dans le cours de la semaine prochaine. Mais en attendant, on est avec eux pour découvrir tout leur univers. Voilà, tout va bien, tout se passe bien pour l'instant. Super, très bien. Donc on écoutait un premier morceau. Donc effectivement, c'est quand même de la chanson française. Il y a quand même la particularité d'avoir un saxophone. Et après, le reste, bah, c'est quand même des bons musiciens. Donc guitare, batterie et basse. Il faut pas l'oublier. Alors il y en a. Je suis en train de penser à ça parce que le pire, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit de toute façon la basse, ça sert à rien. Et le gars qui m'a dit ça, c'était justement un bassiste contre bassiste. Donc il disait ça pour rire, hein, en vérité c'est parce que la basse aujourd'hui dans les téléphones portables, c'est vrai qu'on n'entend pas la basse, hein. Donc les gens écoutent de plus en plus de musique. Prenez le temps de brancher vos trucs sur des vrais appareils avec des vraies enceintes, avec des vrais haut-parleurs, parce que là les graves, c'est vachement important, et c'est ce qui donne voilà, la pêche aussi, hein, la batterie, la basse, c'est la base, et dessus les autres après ils viennent se greffer, et puis voilà, c'est le truc formidable. Donc il faut pas oublier les bassistes, déjà ils sont très recherchés parce qu'il n'y en a pas énormément, et c'est vachement important, quoi. Voilà, on a déjà fait des répètes sans bassiste parce qu'il était pas là, et ben pour se caler c'est super galère, même avec la batterie. Ouais, bah oui, c'est sûr, on n'imagine pas, mais la construction des musiques est faite comme ça. Donc si on enlève un des membres, c'est comme s'il y avait pas de batteur. En même temps, vous allez vous regarder, c'est quand qu'on part, c'est quand qu'on fait, c'est etc. Donc c'est la base, la batterie et la basse, et après les autres instruments. Et après c'est pareil, la basse c'est pas non plus un instrument de fond, parce qu'on dit ouais c'est un truc qui accompagne, et puis derrière les jeux, non, il y a aussi des bassistes qui font des solos de basse. Est-ce que c'est ton cas toi, Matt? Je solote pas trop, mais je pas suis trop. Relativement fan de Marcus Miller, qui est un voilà. grand bassiste. C'est vrai que quand on pense tout de suite à la basse qui a été mise en valeur, ça a été par des grands musiciens comme Marcus Miller. Oh. Et puis avec l'époque de la funk, on a redécouvert cet instrument qui avant était accompagné simplement. Et là, il y avait des gens qui se mettaient en avant et qui faisaient des solos de basse, etc. Et qui faisaient aussi des lignes de basse qui c'est assez complexe, hein, par rapport à ce que je faisais avant, hein. Donc voilà, avec le rythme et tout ça, donc voilà, c'est bien de leur tirer leur chapeau aussi. Donc voilà, on a écouté ce premier morceau là alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour composer ce morceau? On parle un petit peu la tournée du Baron. Pour la composition musicale, c'est avec Matt, on a bossé à deux dessus. Ouais, ça fait plaisir, c'est notre premier bébé conjoint. D'accord. Donc c'est le premier morceau qui était fait ou même pas. C'est le dernier du coup qui a c'est été composé. C'est le dernier. Parce que tous les autres, je les ai fait tout seul avant. D'accord. Alors, avant ça c'est le premier qui a été fait tous ensemble, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment. Alors qu'avant, c'était un petit peu toi, quand même, qui faisais tout. Tout à fait. Moi. D'accord. Voilà. J'ai bien compris tout. Et des fois, je comprends pas tout. Hein, il faut m'expliquer plusieurs fois. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps des fois. Non, mais ce qui faut que ce soit clair. Si jamais je dis une bêtise, vous me reprenez. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je découvre en même temps, hein, le groupe. Hein, je connais Matt, mais après le groupe, je le découvre ce soir. Et puis après, il y a aussi Richard qui était déjà venu aussi. Oui, ah bah ça fait un moment. Hein. Ça fait plusieurs années. Ouais, c'était avec Roda. C'était un super groupe, c'était super sympa. Et donc c'est un groupe qui s'est arrêté il y a quelques années. Et depuis, j'avais fait une petite pause musicale dans les projets de groupe. J'avais continué tout seul à faire des choses dans mon coin. Et puis ça me manquait pas mal. Donc c'est pour ça que je m'étais remis sur un site où on met en commun avec d'autres musiciens les projets qu'on peut avoir, et c'est comme ça que j'ai trouvé Mathieu. Et voilà, mais oui, effectivement, j'étais déjà passé il y a un moment. Voilà, parce que quand je t'ai vu, je dis oui, je le connais déjà, et tu m'as dit oui, je suis déjà venu dans l'émission, et après j'essaie de me, et après tu m'as dit Roda, oui, effectivement. Alors ça m'arrive, parce que quand on arrive quand même à faire 614 émissions avec des artistes qui passent dans les studios, alors il y a des visages que je reconnais, et des fois il faut pas m'en vouloir, c'est que j'arrive plus à me souvenir dans quel groupe. Alors quand c'est récent, bon, je me souviens encore assez bien, mais quand ça date de quelques années, des fois j'ai un petit peu de mal. Mais bon, voilà. On me remémore, et puis je me souviens très bien de Roda, un groupe qui était super bien. En tout cas, on avait fait une bonne émission, bien, bien plaisante, je me souviens aussi. Donc, c'est bien de le dire. Voilà, ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll sur Orléans. Quand je dis rock'n'roll, c'est la musique en général. Très bien, voilà. Alors, on a parlé des anciens groupes. Les autres membres, est-ce qu'ils ont fait partie d'autres groupes aussi? Alors, pour ma part, non, j'ai toujours été un guitariste de canapé. Donc, pas bien, ouais. C'est une première expérience pour moi, le groupe, et le fait de jouer ensemble. D'accord. Et la radio. Et toi, Valentin, au chant, avant, tu chantais tout seul, quoi, finalement. Oui, c'est ça, sans public surtout. Sans public. Ouais, non, mais je chantais devant les parents, devant mon frère, mais c'est la première fois où je chante devant des gens. Et du coup, c'est un peu ça qui est un peu compliqué. Mmh. Ah oui, j'imagine, surtout en français. Ouais. Parce qu'en français, effectivement, c'est un public français, donc ils vont comprendre toutes les paroles, et puis ils vont se dire, ouais, c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas tant les paroles que la justesse du chant, parce que moi, je sais ce que j'écris, ça me plaît, donc après, si ça plaît pas aux autres, bah tant pis pour eux. Mais je sais ce que j'écris, et je mets beaucoup d'importance sur les paroles. Ça d'accord. m'importe beaucoup. C'est pour ça que je fais pas d'anglais, parce que je parle pas anglais. Oh, en même temps, Il y en a certains qui parlent dans qui chantent dans toutes les langues. On a vu tout à l'heure Joseph César, c'est un artiste que j'ai rencontré qui est déjà venu ici, hein. Il n'était pas venu dans mon émission, mais il est déjà venu ici. Et je l'ai fait venir aussi pour faire des concerts dans la région orléanaise. Et il chante des chansons en portugais, en français et en anglais. Et à chaque fois, ça sonne bien. Il arrive à faire sonner trois langues, et je trouve que c'est formidable, quoi. Voilà. Donc peut-être une chanson en portugais bientôt pour la tournée du Baron. Non, on t'aidera à composer le. S'il y avait une langue étrangère qui serait dans la tournée du Baron, ce serait pas le portugais, n'est-ce pas? Peut-être plus en espagnol à la limite. Plus en espagnol. Le Klingon. Ok. Je me souviens aussi. Vous connaissez peut-être le groupe Jash. Il y a Angie, la chanteuse, qui chantait une chanson en portugais, portugais brésilien, et qui ne parlait pas du tout le portugais, donc elle l'avait appris phonétiquement. Et ça sonnait bien, hein, comme quoi on arrive toujours à chanter une. Il y a beaucoup de gens comme ça, même des trucs en anglais, il y a des gens qui connaissent les paroles en anglais, ils connaissent pas du tout l'anglais, mais ils ont appris la chanson par cœur phonétiquement, et puis ça passe bien aussi. Donc voilà, tout est possible. Très bien, donc le choix de la langue française, parce que c'est ta langue à toi, c'est celle dans laquelle tu t'exprimes le mieux, et puis ça va bien, on a écouté le premier morceau, là, franchement, ouais, un très très bon truc. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette chanson-là? Celle-là a été écrite, justement, spécialement pour le groupe, parce que je voulais une petite chanson de présentation du groupe, et à part le refrain que j'ai vraiment écrit spécialement pour le groupe, après, j'ai pris un mix de toutes les idées que j'avais. Parce que j'ai un petit carnet où je note dès que j'ai une idée, j'écris ça, je l'ai avec moi régulièrement. Et là, j'ai pris toutes les idées où je savais pas trop quoi en faire, j'ai réussi à les mettre dedans. C'est pas bon d'heure, ça. Alors, d'accord. Ça fait un peu chanson fourre-tout, mais c'est un peu le cas quand même. D'accord, voilà, donc c'est pour l'histoire, hein, ça reste comme ça. Donc on l'a écouté une première fois. Moi, j'ai écouté un petit peu chez moi parce que vous m'avez envoyé les fichiers un petit peu à l'avance. Je me suis dit quand même, je m'imprègne un petit peu de votre travail. Là, je réécoute une deuxième fois et petit à petit, on va essayer de le passer régulièrement dans l'émission Mavrika. Un morceau. C'est gentil. Est-ce que vous avez un morceau préféré? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est un autre? Bon, parce que là, pour l'instant, il y en a 5 d'enregistrés. Ah, ils ont tous un style un peu différent. Moi, j'ai une affection particulière pour l'un d'entre eux, en fait. D'accord. Tout simplement pour les origines de ma rencontre avec Valentin. Et je suis tombé vraiment en amour avec ses textes et sa musique quand j'ai écouté un morceau particulier qu'on t'a envoyé. Mmh. Est-ce que je dis comment il s'appelle maintenant tout de suite ou pas? Vas-y. C'est le morceau Prendre la mer. Ça m'a rendu complètement fou, ce morceau, en fait. D'accord. Quand il me l'a joué à guitare comme ça, chant, je dis, mais ah ouais? Ah ouais, non! Quand j'ai écouté la fin de la chanson, je me suis dit, oh non, abusé. En fait, j'ai été surpris par le texte et par l'histoire de la chanson. Et du coup, je me suis dit, il faut que je travaille avec ce gars, en fait. Mm-hmm. T'avais déjà eu une déclaration à la radio comme ça en direct, Valentin? Mais vous voyez pas, il est en train de se mettre à genoux, il a sorti une bague. Qu'est-ce que je fais? Dans l'intimité peut-être, mais cela ne nous regarde pas. Hein, voilà. Valentin, veux-tu bien me passer le sel, s'il te plaît, détends-toi. Non, mais c'est vrai que on dit pas assez aux gens qu'on aime ce qu'ils font, etc. Donc c'est bien aussi de le dire, voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à dire du mal sur les autres personnes, mais on dit jamais du bien. Donc quand c'est bien, c'est bien. On le dit, voilà. C'est ça le plus important. Dans l'émission de la vraie case, c'est plutôt l'inverse. On dit du bien des gens qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, on n'en parle pas, et puis c'est tout, voilà. Tout simplement. Très bien, donc la tournée du Baron avec le premier morceau qu'on a écouté à l'instant. On va en écouter encore d'autres au fur et à mesure. Alors, comment ça se passe pour la composition des morceaux? C'est d'abord la musique, d'abord les paroles? Est-ce que c'est les deux qui viennent en même temps? Est-ce que... Alors, comme je suis pas très très bon en théorie musicale, j'ai des textes, j'aurai encore des textes où il n'y a pas du tout de musique dessus, et j'écris les textes comme ça me vient, dès que j'ai des idées je note, et après j'essaye de trouver de la musique, et c'est ça le plus dur, et c'est ça qui vient souvent après. D'accord. J'ai une idée générale, par rapport aux chansons que j'écoute, et des fois j'essaye de me caler sur une musique que je connais déjà, pour avoir le rythme en tête sur ce que j'écris. Et après, souvent, ça change du tout au tout par rapport à ce que j'essaye de composer derrière. Mais c'est toujours le texte qui vient en premier. Tu composes aussi la guitare ou ouais. Ouais, donc voilà, tu gratouilles un petit peu, tu fais les accords et tu vois les machins, comment ça sort. Et après, tu proposes ça au groupe et là, chacun travaille sa partie ou comment ça se passe? Et on se retrouve avec des tests qui font 17 couplets, 24 refrains et 2 accords au milieu. C'est ça, exactement ça. D'accord. C'est vrai que comme tout a été, parce que tout était composé avant que le groupe soit formé, c'était composé pour moi tout seul avec ma guitare. Donc si à tout moment le texte était un peu trop long à un endroit, bah, je rajoutais une mesure par-ci par-là et ça allait très bien. D'accord. On s'est confronté au problème quand fallait suivre le batteur qui me disait bah non, mais on peut pas rajouter des mesures n'importe où parce que ça marche pas comme ça la musique. J'ai dû réécrire 2-3 trucs pour que ça rentre. D'accord. Oui, effectivement, parce qu'il y a la communication avec les autres musiciens. Quand tu joues tout seul, à la limite, tu peux faire un peu ce que tu veux, voilà. Mais dès qu'il y a avec d'autres musiciens, bah non, il y a des nombres de temps à respecter, il y a etc. Et puis le batteur, principalement, il dit oh là, il y a un truc qui va pas là, ça tombe pas juste, on est décalé, après ça va pas. Bah, c'est donc, surtout que c'est lui qui tape le plus fort, donc il a raison au final. Hein. Ouais, c'est vrai que la batterie souvent c'est elle qui donne le rythme et c'est elle qui donne aussi le volume dans les pièces où vous jouez habituellement quoi. Voilà, mmh. Vous répétez. Voilà, chercher le mot, je n'arrive pas à trouver ce mot-là. Voilà. Donc le batteur a toujours raison. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Même d'accord. Quand il rate des temps, on est obligé de s'adapter. Quand il rate des temps, après ils me suivent en fait. Ouais. L'erreur peut venir de l'un et de l'autre. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que quand vous faites un petit pain comme ça sur scène ou un truc comme qu'on ça, se jamais. Alors, est-ce que ça arrive souvent qu'on réussisse? Faudrait que vous retourner la question. Ah, c'est plus comme d'accord. Ça pour retourner la question. Ouais. Ouais, ça arrive qu'en fin de morceau, on se dit, on a réussi là. On a réussi à faire le morceau entier. Non, mais là, parce que vous êtes un jeune groupe, donc là, pour l'instant, mais là, je pense que déjà, vous avez enregistré les morceaux qui tiennent bien la route. Donc je pense que vous avez commencé à être rodé, puis bientôt vous allez attaquer les concerts, et puis là ça va le faire quoi. Non, et puis l'avantage c'est que comme on s'entend bien, comme il y a une bonne ambiance, quand il y a un truc qui merdouille ou quoi, on se rattrape, on rigole, on se regarde et on repart, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est un truc que je vois souvent, je vais voir souvent les concerts, et je vois la complicité entre les musiciens. Des fois on voit bien, il y a un truc qui s'est passé là, il y a une fausse note, ou alors il est parti au bon mauvais moment. Donc là, le batteur, il refait une boucle, hop, ça repart, et là, ils reprennent le machin, et ils se regardent. Moi, j'arrive à détecter ça, et il y a des fois, on voit rien. C'est vrai que quand on s'en sort bien, souvent, le public s'en rend pas compte. Il faut vraiment bien connaître les morceaux. Et vous, comme vous les connaissez par cœur, bah, au bout d'un moment, vous pouvez vous permettre de les modifier légèrement. Est-ce que ça arrive, par exemple, bah, pour l'instant, vous n'avez pas encore fait de concert, mais est-ce qu'en concert, vous avez la possibilité de allonger vos morceaux, par exemple, quand un morceau marche bien, on dit tiens, là, il en arrive au dernier couplet, on va peut-être en faire un de plus. Est-ce que vous pouvez les modifier? Ou rajouter un solo, par exemple, un solo de guitare, un solo de saxophone dessus pour prolonger le morceau, quoi. La version remix. Des solos de sax, on peut en rajouter, c'est pas mal. Après, ils arrêtent pas de se plaindre que mes chansons sont trop longues et qu'il y a trop de textes. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de les rallonger encore plus. Ah bah, sur la tournée du Baron, on peut faire tenir ça très très très longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai, sans fait, problème, fois, avec grand plaisir. Les refrains, ça continue, parce qu'on se fait plaisir, du coup, il n'y a pas de limite. Pour l'instant, vous avez 5 morceaux enregistrés. Vous avez combien de morceaux déjà que vous pouvez jouer en concert? 8. Bah, qui sont jouables parce qu'on les a répétés. On doit être une petite dizaine, je pense. Ouais, presque une dizaine, ouais. Mm-hmm. Après, de écrits qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble, en tout, il doit y en avoir une vingtaine, je pense, à peu près. Ah, d'accord. Donc, si aujourd'hui on vous demande de faire un concert, vous êtes capable de tenir quand même pas mal de temps, là. Petite heure. Voilà. Petite heure. Vous reprenez aussi des chansons d'autres artistes? Grande question. Je n'aime pas les reprises. Tu n'aimes pas les reprises. Moi, je n'aime pas jouer des reprises. Après, d'accord. Non, mais s'il faut, on va se plier. On a fait des tentatives déjà. À chaque fois, c'était catastrophique. il faut le voir différemment. C'est pas une reprise, c'est une réinterprétation. Oui, donc c'est normal que ce soit différent. Après, il y a plusieurs manières. Soit les artistes se réapproprient un morceau et le jouent à leur manière. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, il y a les groupes de tribute qui, eux, essaient de faire exactement comme les artistes d'origine. Donc, après, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, on rejoue exactement de la même manière. Et par contre, il y en a d'autres. Moi, j'ai déjà vu des groupes qui reprenaient des morceaux, par exemple à l'accordéon, des trucs de rock à l'accordéon, qui à l'origine ça c'était pas du tout comme ça, et ça s'est très bien fait. Et puis on s'est dit tiens, ça passe bien aussi, voilà. Ils se sont réaccaparés le morceau, quoi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pourrez encore faire, mais c'est vraiment pour combler. D'habitude, faudrait qu'on essaye quand même, ça peut être sympa. Mais c'est, moi, j'ai un petit blocage mental avec ça. D'accord. Ok, non, mais après, priorité justement à la composition. Voilà. Et donc, vous êtes un groupe de compos, vous avez votre essence à vous, et c'est celle que vous voulez partager, ben c'est celle qu'ils vont mettre en valeur, et qu'on va mettre en valeur ce soir. Alors, on va écouter un deuxième morceau. Alors moi, j'ai calé un morceau qui s'appelle « Je parle à mon chien ». Ah ouais, c'est la meilleure. Tu veux nous en parler un petit peu? C'est ma préférée. Ah, j'aurais bien gardé pour la fin celle-là parce que c'est ma préférée. Ah, moi aussi. Je pense que clairement c'est ma préférée aussi. On la passe là ou on la garde pour tout à l'heure? Oh, on la passera deux fois. Bah, comme vous voulez, on a le temps en même temps. On a le temps. C'est vrai que le temps passe très vite, hein, et on est déjà presque à la moitié de l'émission. Ah ouais, on dit 3 heures, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 heures? Et puis finalement, on arrive ici, on arrive au bout des 3 heures, on dit on n'a pas eu le temps de parler de telle chose, on n'a pas eu le temps de diffuser telle chose. Et puis voilà, ça va très vite. Parce que, en plus, passons là. Go! Alors que c'est le chien qui c'est mon chien, c'est ton chien, et c'est parce que j'étais parti en vacances en vadrouille, juste mon chien, ma guitare et moi, et on m'avait dit tu t'ennuies pas quand tu pars 2-3 semaines en vacances tout seul, et j'ai dit non, parce que clairement je préfère parler à mon chien que parler au con. Donc ça, c'est le refrain de la chanson, je parle à mon chien. Et la personne qui a posé la question s'est sentie un peu visée ou... Non, même pas. Même pas, donc. Par contre, ça, je l'ai dit plusieurs fois au travail et je pense qu'eux, ils pouvaient se sentir visés. D'accord. Et voilà, donc c'est parti de ça. C'est quoi comme chien? C'est un border collie croisé serpillière. D'accord, donc il a les poils longs, j'imagine. Ouais. Très bien. Donc, et il comprend ce que tu lui dis. Bien sûr, il me répond pas. Il répond pas, mais il tourne un petit peu la tête pour dire voilà, je t'écoute. Voilà, je connais un petit peu les réactions des chiens aussi. Et c'est vrai que les chiens, ils nous écoutent. Même des fois, ils nous comprennent pas. Mais l'intonation. Alors, on peut leur dire n'importe quoi avec un ton très doux et ils sont contents. Et par contre, si on leur dit quelque chose de très gentil, mais en gueulant, c'est l'intonation qui compte plus qu'autre chose, hein. Pour les chiens, c'est comme ça. Donc, on va écouter ce morceau. Je parle à mon chien et c'est la tournée du Baron. Voilà. C'est parti. Et tes petits commentaires, si vraiment tu y tiens, je t'expliquerai quoi en faire. Chat! Il est reparti tout vexé en marmonnant, y'a plus de jeunesse. Alors mon chien a aboyé sans de formules de politesse. Car il n'aime pas les injustices, la liberté c'est son combat. Les oppressions, ça le hérisse, certains l'appellent chien Guevara. Mon chien a du talent, il est plus fort qu'un chien truffier. Juste en reniflant les gens grâce à son radar dans le nez, il peut me dire rapidement si c'est qu'un con ou si ça va. Et j'ai confiance en son jugement, il ne se trompe presque pas. Si flic regarde sans aboyer, c'est que t'es qu'un con, il se méfie. Par contre, s'il se met à grogner tout bas, il t'est qu'un con aussi. S'il pointe comme un petit rat, c'est que t'es qu'un con, il faut faire gaffe. Et si en te voyant il aboie, bah là c'est juste qu'il avait soif. Ça pour dire qu'on était là, refaire le monde tous les deux. Bon, concrètement, c'était juste moi, car mon chien il me répond peu. C'est là que le patron du bar, devant lequel j'étais assis, a proposé d'aller me faire voir. Alors je lui ai chanté ceci, ouais, je parle à mon chien, au lieu de parler au con. Et si ça te plaît pas bien, je me fous de ton opinion. Ouais, je parle à mon chien et tes petits commentaires. Si vraiment tu y tiens, je t'expliquerai quoi en faire. Ciao! À celle de beaucoup de gens, c'est que au moins avec lui les débats sont intéressants. Et si pour toi c'est important, ouais, il est né l'année dernière et refuse d'entrer dans le rang. Son nom c'est Pooch, qu'est-ce que tu vas faire? C'est avec lui que je prends la route, c'est mon compagnon d'aventure. Pendant la patte coûte que coûte, on brave les tempêtes, les coups durs. Si au cours de mes voyages on est amené à se croiser, j'espère que t'as saisi le message. Ça m'embêterait de te chanter que je parle à mon chien au lieu de parler au con. Et si ça te plaît pas bien, je me fous de ton opinion. Ouais, je parle à mon chien et tes petits commentaires. Si vraiment tu y tiens, je t'expliquerai quoi en faire. Chat. Winter made once upon a time. In a brand new world. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavericast sur Radio Arc-en-Ciel, et uniquement sur Radio Arc-en-Ciel, hein, 96.2 MHz dans la région orléanaise. Et vous pouvez nous écouter partout dans le monde sur www.radio-arc-en-ciel.com.fr, ce que vous voulez, ça passe, on a déjà essayé, donc vous pouvez nous écouter où que vous soyez et sur votre ordinateur, téléphone, etc. Donc voilà, on est ce soir avec la tournée du Baron. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Je parle à mon chien. On va les retrouver tout de suite, ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe de 5 personnes, aujourd'hui ils sont que 4, mais il y en a un qui est excusé, le batteur, mais on va quand même faire une bonne émission. Ils vont nous présenter tout leur univers. Et à l'instant, on vient aussi d'écouter Arnaud Walden. C'est Arnaud Walden Trio acoustique, puisqu'il est venu il y a quelques semaines dans nos studios et on vient d'écouter une très belle chanson. Moi, en tout cas, je l'adore et j'ai eu dans la tête pendant pas mal de jours. Ça s'appelle Once Upon a Time et c'est tiré de leur album qui est vraiment fabuleux. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir Arnaud en concert, n'hésitez pas. C'est une personne que j'apprécie depuis longtemps et qui était déjà venue en 2013, en 2015 et qui est venue il y a quelques semaines parce que ça faisait un petit moment qu'il était pas venu. Voilà, ça nous fait plaisir. Ce soir, donc, la tournée du Baron et on vient d'écouter Je parle à mon chien, donc j'ai écouté les paroles. Ben, ceux qui ont des chiens, ben, déjà ils comprennent pas mal de choses. Très bien. J'ai vu, ah oui, donc comme on a récupéré le Facebook, parce que franchement on s'est fait pirater le Facebook entre chez moi et ici, bah il marchait plus, on l'a récupéré, donc vous allez retrouver le programme, hein, je suis en train de le taper, donc ça va se faire, et on a aussi quelques petits commentaires qu'on a loupés, hein, puisque tout à l'heure on pouvait pas vraiment se connecter, donc on est déjà les frissons, vous connaissez les frissons? Ouais, on le connaît bien, ouais. Ouais, donc bah, nous c'est pareil, ils ont déjà joué un Maverick Live il y a quelques années et puis on continue les suivre, ils avaient gagné aussi au Jarge aux plages, oui. Au tremplin, etc. Donc c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Donc et ben ils vous font un petit coucou. Vous connaissez aussi les Deep Turtles, voilà. Ouais, tout à fait. Oui. Donc c'est des gens super sympas qu'on a reçus il y a quelques talentueux. Et talentueux, voilà. En plus ils ont eu la chance, c'est-à-dire que dans l'émission Mavrika, il faut faire un petit peu attendre un petit peu avant de caler une date. Et on devait recevoir les Twister Cover. Finalement ça s'est pas fait. Et j'avais les Deep Turtles. J'aurais proposé une date. Je dis bah, vous venez la semaine prochaine. Et hop ça s'est fait comme ça. Donc voilà, ils ont eu la chance d'avoir un créneau libre à ce moment-là. Et en tout cas, on a passé un beau moment aussi. On avait écouté tout à l'heure un morceau interprété par eux dans l'émission Mavrika. Et puis voilà, il y a plusieurs personnes qui ont déjà commenté. Et là, je suis en train de vous taper le programme. Donc j'ai un petit peu de retard. Heureusement, j'ai mes petites fiches. J'ai tout marqué sur les petites fiches. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est la semaine prochaine, il faut pas oublier, c'est le Mavrika Live numéro 13. Donc Mavrika Live numéro 13, c'est organisé par l'association Mavrika. Et nous faisons jouer des artistes à l'espace Bérère, dans la grande salle, à la chapelle Saint-Émain. Et cette fois-ci, il y aura la bande à Pierrot, que nous allons retrouver la semaine prochaine dans l'émission Mavrika. Il y aura aussi le groupe Éphémère, qui a déjà joué dans un Mavrika Live, qui reviendra à nouveau, hein, qui a été resélectionné cette année. Il y aura aussi Sika, donc Sika, une artiste. Si on a le temps, on va essayer de passer un petit peu les artistes tout à l'heure, si vous les connaissez. Et après, on terminera avec Prisma. Donc, quatre groupes pour une soirée. On est en train de préparer tout ça. Tout se passe bien pour l'instant. Tout est bien préparé. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Émain, pour retrouver ces quatre groupes et puis passer une bonne soirée. Il y aura aussi une exposition avec il y a plusieurs exposants, il y a des tatoueurs éphémères, il y a une charcuterie d'une personne que je connais bien, qui est excellente, je peux vous le dire, je l'ai testée, et il y a aussi d'autres, des photographes, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, c'est 12 routes nationales à l'Espace Bérère, donc 45380, la Chapelle Saint-Mémin, et l'ouverture est à 18h30. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Donc on revient au groupe de ce soir, la tournée du Baron. Est-ce qu'il y a d'autres groupes, on en vient d'en citer deux que vous connaissez, est-ce qu'il y a d'autres groupes que vous connaissez, que vous appréciez? Voilà, si vous les appréciez pas, on n'en parle pas. Oh bah, parmi les anciens que je suis qui étaient à Roda, j'aime beaucoup Yeti aussi. Alors, rien à voir avec notre style, hein, mais. Ouais, le groupe Yeti qui a joué au précédent Maverick Alive. Voilà. Bah, voilà. Donc, et le groupe Yeti, oui, qu'on apprécie, qui sont déjà venus à plusieurs reprises ici. Et puis que j'ai déjà vu en concert plusieurs fois aussi. Hein. Il y a des groupes comme ça que je vois assez régulièrement et qui font partie de l'association Le Frigo, qui est, où il y a les Brunettes, il y a VTC, il y a les Chili Dogs, etc. Chili Dogs aussi, ouais, donc voilà, des très bons groupes et des gens qui sont super sympas. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours un bonheur. Moi, j'ai toujours un plaisir à les voir sur scène. C'est des passionnés, c'est des gens qui aiment la musique et avec lesquels on partage beaucoup de valeurs. Voilà. Le groupe Esprit d'Escalier, je ne sais pas si c'était venu chez toi. Ils sont venus, ouais, mais ça fait très longtemps. Et c'est vrai que je suis retombé sur des photos. Qui c'est qui a posé avec eux? C'est Christian. Christian du groupe Sonic Lag, est-ce que vous connaissez? C'est un groupe de la région de Blois. Et dernièrement, j'ai vu qu'ils étaient avec les membres de l'Esprit d'Escalier. Je dis, tiens, je les connais. Oui, effectivement. Ça fait un petit moment qu'ils n'étaient pas venus. Ils font du rock progressif. C'est du prog, ouais. Ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve que ça en voit bien. C'est super agréable et tout ça. Ouais, ouais. Et des morceaux très longs aussi. C'est du prog. C'est du prog, ouais. Progressif, ouais. Ouais. Très bien. Et donc, on a des contacts avec eux. Ils sont déjà venus il y a quelques temps, mais à la limite, s'ils veulent revenir, on les recevra avec beaucoup de plaisir parce qu'à chaque fois, on aime bien recevoir les groupes. Là, c'est la première fois que vous venez. Mais dans quelques temps, s'il y a de l'actualité, s'il y a des nouveaux morceaux, si vous avez envie de venir jouer en mode restreint, ici dans le studio, on ne peut pas jouer vraiment avec la batterie, avec les grosses amplifications, mais on peut jouer en mode restreint, vous revenez. Nous, on aime bien suivre les groupes sur les années, ça, c'est très important. Donc voilà, le rendez-vous, on reprendra un rendez-vous pour une prochaine date, voilà. Donc, ce soir, c'est la première fois que vous passez ici. Vous allez avoir un diplôme. Et à chaque fois que vous viendrez ici, vous aurez des nouveaux diplômes. Voilà, c'est comme ça dans l'émission Maverick. C'est une tradition qu'on a depuis pratiquement le début, les premières émissions, dès qu'on a commencé à recevoir des invités. Alors, des fois, ça me fait plaisir. Je suis dans la salle de répétition, dessus de l'enregistrement, et je vois les diplômes qui sont affichés. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait partie du rock'n'roll, quoi, de l'histoire du rock'n'roll sur Orléans. Voilà, très bien. D'autres groupes encore que vous pouvez citer? Il y a Turn Off aussi. Turn Off, ouais. Ah ouais, franchement. Et en plus, ils ont un saxo. Hein. Ouais, ils ont un saxo aussi. Ouais. Donc c'est un bon groupe. Avec Nénette. C'est un bon groupe. Je confirme. Ouais, ils font du ska, du c'est rock, ça, ouais. Ska, punk. Ouais, voilà, ce mélange détonnant, et c'est un groupe qui sur scène. Ça dépote bien. Moi, j'ai eu l'occasion. C'est vrai que je les ai pas vus. J'ai dû les voir deux fois. Mais ils tournent bien et j'ai vu qu'ils avaient pas mal de concerts, donc j'ai vu que c'est toujours actif, c'est impeccable. Voilà. D'autres groupes encore? Après, il y a Arnaud Walden, justement, qu'on a écouté juste avant. J'en profite pour caler ça, c'est lui qui me donne des cours de chant actuellement. D'accord, voilà, comme quoi le monde est petit. Le monde est petit, ouais. Et il tourne aussi avec The Iron Troopers. The Iron Troopers, tribute de Iron Maiden, qui ont fait un concert la semaine dernière. Au Dropkick. J'ai pas pu y aller parce que c'était vendredi. Ouais, j'ai pas pu y aller, sinon ça aurait été avec plaisir parce que c'est un groupe qui, et franchement, ils reprennent les morceaux d'Iron Maiden, on ferme les yeux, on a l'impression que c'est un peu ce qu'ils sont là, quoi. Ils le font très bien. Et après, Arnaud Walden, il a aussi Traffic Jam, ce projet où il est uniquement chanteur. Voilà. Donc voilà, c'est un grand artiste. Il est devenu professionnel depuis quelques temps. Il donne des cours, il chante, il a une voix particulière. On avait parlé, il a plusieurs octaves, c'est-à-dire qu'il peut pas partir très bas et monter assez haut, très haut aussi. Il a une voix plutôt assez grave, mais il a quand même plusieurs octaves. Et il sait bien gérer son truc. Il a une voix, c'est une voix. Très bien, un artiste qu'on apprécie et depuis longtemps. Hein. Et en plus, il s'implique beaucoup dans la musique parce qu'il organisait aussi le Rocking Rebrèche, qui malheureusement, apparemment, n'aura plus lieu. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'était très sympa. C'était sympa, l'an dernier. Vous vous souvenez des groupes qu'il y avait là-bas? Il y avait La Jarry en premier, ouais. Il y avait Princesse Leia. Et Sidi Larsen. Sidi Larsen. Il fallait commencer à envoyer. Même au niveau amplification, qu'est-ce qu'ils étaient forts. Il m'a fallu 3 jours pour récupérer Louis. Oh la vache. Qu'est-ce que ça envoyait? Et puis c'est dynamique et tout ça. Ouais, mais bon, après, forcément, il y avait du monde en plus et tout ça. Mais c'est quand même des manifestations qui coûtent très cher. Et aujourd'hui, les subventions et tout ça, elles sont plus vraiment là. Et puis aujourd'hui, on a de plus en plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Donc allez au concert, allez voir les artistes, allez continuer à soutenir la scène locale, ça c'est important. Et puis aussi les scènes comme ça, parce que là il y a des artistes qui tournent dans toute la France, dans toute l'Europe, etc. Donc c'est plus que la scène locale, c'est, il faut soutenir vraiment toutes les associations qui se bougent pour essayer de faire jouer les artistes, ça c'est important. Et de voilà. manière générale, le spectacle vivant. Voilà, ouais c'est ça. Ouais. De manière générale, parce qu'on dit, on parle des concerts, mais il y a plein d'autres choses. Il y a quelque chose que tu penses en particulier? Je pense au théâtre de rue. Bon, théâtre, ça remonte un peu. J'en ai fait un petit peu, et c'est vrai que c'est vivant, c'est dans les rues, ça a vraiment pas la même énergie que ce qu'on peut voir à la télé, par exemple. Ouais, dans la rue, oui, effectivement, parce que les gens qui vont au théâtre, ils ont payé leur billet, ils savent qu'ils vont passer à un moment, ils sont disponibles pour ça. Dans la rue, non, il faut aller les chercher. C'est ça. C'est des gens qui sont de passage et qu'il faut réussir à les intéresser, à les brusquer un petit peu au départ, peut-être pour qu'ils parce que souvent les gens y passent, et puis surtout. Tout à fait, c'est ça. Il faut arriver à les agripper, quoi. À les brusquer sans les vexer. Ouais. Et jouer avec ça, jouer avec ses propres défauts, les défauts des autres et les qualités de tout le monde et découvrir rapidement si quelqu'un va bien le prendre ou pas et avancer avec ça. Et c'est... Ah ouais, c'est de l'impro, voilà, l'impro total, quoi. C'est l'impro continue, et c'est vrai que c'est génial. Et des fois, ça peut être aussi des choses que vous cherchez un petit peu le contact avec les gens, mais finalement, des fois, vous vous retrouvez dans des situations que vous n'avez pas forcément recherchées. Ça dépend de la personnalité de la personne que vous avez rencontrée, quoi, tout simplement. Exactement, ouais. Et est-ce que ça peut arriver aussi de tomber sur des gens qui sont vraiment comédiens, eux-mêmes, et qui, des fois, vous dites, tiens, on retourne un petit peu la situation, là. C'est lui qui me guide. Alors oui, c'est arrivé pas forcément de se retrouver dans la situation de l'arroseur arrosé, mais de monter une mini-impro qui finalement dure 5-10 minutes avec un passant qui était là au bon moment, au bon endroit, et tout le monde s'éclate pendant 10 minutes et... Et ça marche. Ouais. Il y a un truc ouais. qui s'est fait. L'étincelle a surgi. Très bien. Est-ce que sur scène, vous allez un peu jouer... ou est-ce que vous jouez simplement de la musique, ou est-ce que vous allez un petit peu faire de la mise en scène, du spectacle et tout ça? Alors, Roméo insiste pour qu'on ait des perruques. Moi, je suis toujours pas d'accord. Non, je pense qu'il faut jouer un peu. Après, faut réussir à se sentir assez à l'aise sur ce qu'on fait et en public pour le faire. Donc peut-être que les premières dates, pas trop. Après, si on arrive à se libérer, oui, ce serait sympa. Ouais, il vaut mieux dans un premier temps assurer la musique et après jouer avec le public plutôt que l'inverse. D'accord. Bah écoute, ça dépend des concerts, dépend des soirées. Ça, ouais, ça dépend des. Et ça dépend de l'ambiance qu'il y a sur le moment. C'est... Franchement, quand tu vois des mecs qui gèrent mais qui finalement font pas vivre la soirée, non. Enfin, vivre la soirée s'il y a quelques 2-3 pains, moi je suis partisan aussi. Ouais, après, ça fait partie du truc, ça. Hein. Voilà, ouais, c'est la musique, mais il y a aussi le fait que les gens passent une bonne soirée, puis. Qui est un petit peu un délire qui se met en place, etc. quoi. C'est le but, hein. Et c'est ça, parce que Mathieu, on a déjà été dans des groupes, c'est pour ça. On est habitué au fait que finalement, une fois sur scène, c'est l'ambiance qui compte. Exactement. Ouais, et puis après, il y a des groupes qui sont super bien musicalement et tout ça, mais après, on en parlait avec Glazone, il y a des groupes comme ça qui regardent leurs chaussures, c'est-à-dire qu'ils jouent, et puis voilà, ils jouent. Et il y avait même un concept, parce qu'il y a une époque, il y avait la Cold Wave. Cold Wave, où il y avait certains groupes qui, comme ça, ils regardaient leurs chaussures quand ils jouaient, donc c'était très froid, c'était très très truc, bon. Mais quand c'est dynamique, c'est quand même plus agréable, en tout cas, je trouve. Après, bon, c'est leur originalité aussi, hein. Mais ça, c'est un truc à étudier, vous aurez des perruques, des costumes, non, des... Pas de perruques. Pas de perruques. Après, ils font les malins, on a déjà des bretelles, c'est pas mal. Et après, ils font les malins à dire, ouais, faut mettre l'ambiance, mais... quand j'oublierai les paroles à force de sauter partout, ce sera beaucoup moins drôle. Ou quand le guitariste devra changer des cordes et tout. On trouvera. Ah, ça, c'est. Il faut toujours avoir une guitare de rechange ou alors après une personne qui change les cordes. Un guitariste de rechange. Un guitariste de rechange. Voilà. Pardon. Très bien, donc voilà. D'autres groupes encore que vous pouvez citer Pledge of Healing, encore un groupe de prog d'Orléans. D'accord. Ouais. Comment il s'appelle ? Pledge of Healing. Ah bah je connais pas encore pour l'instant. Et ils ont joué au Dropkick pendant que j'étais au Japon. Du coup, d'accord. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, t'es au Japon. Ouais. Très bien. Ouais. Ok. C'était génial. Ah ouais, j'imagine. Je connais quelqu'un qui va partir bientôt et je connais quelqu'un qui est revenu aussi il y a pas très longtemps, donc ils discutaient entre eux sur le Japon. Donc ça, c'est une destination qui est un petit peu à la mode en ce moment. Et puis. Et Matt est fan de K-pop, du coup, il en a écouté plein là-bas. Ça, c'est pas vrai. Ok. D'autres noms encore qui vous reviennent ou sinon, moi, j'ai, en tête, j'ai Balls in Head. Je connais pas non plus. J'ai pas fini. Aussi, mais il est peut-être plus sur Tour. D'accord. C'est le guitariste de Roda qui est parti faire du métal avec ce groupe. D'accord. Très bien. Il y a plein de formations qui arrêtent, d'autres qui se mettent en route. Il y en a certaines qui sont en train de répéter actuellement, qu'on connaîtra dans quelques mois ou dans quelques années. Donc voilà, c'est toujours vivant, c'est toujours en marche. Et puis il y en a certains qui se manifestent assez régulièrement, d'autres qui continuent à jouer, ils font déjà des concerts et ils me préviennent pas à l'émission d'Enrica qu'ils existent, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc voilà. Très bien. Déjà, on a cité pas mal de groupes. Il y en a certains qu'on va essayer de découvrir au fur et à mesure. Et je vais en profiter pour dire aussi que la semaine prochaine, il y aura donc la bande à Pierrot qui fera l'interscène au prochain Mavrica Live le lendemain, donc le 16, le samedi 16. Et après, je vais faire une émission dans laquelle j'aurai pas d'invité. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, il faut le faire. Parce que là, depuis un petit moment, j'ai pas arrêté toutes les semaines des invités. Mais chaque invité m'apporte des disques. Et après, j'ai pas le temps de les passer dans les émissions des autres. Donc au bout d'un moment, il faut faire aussi un petit break et diffuser faire des émissions où on diffuse de la musique pendant 3 heures à fond avec le maximum de musique de tous les groupes que j'ai reçus. Donc il y a de quoi faire, on peut tenir des heures et des heures. On peut faire même une radio aujourd'hui 24 heures sur 24 avec tous les morceaux que j'ai, hein. Et on passerait des semaines sans qu'il y ait une redondance, hein. Comme quoi il y a beaucoup de bons morceaux qui ont été enregistrés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, d'autres qui ont été enregistrés dans d'autres studios qu'on diffuse assez régulièrement, et de temps en temps il faut prendre le temps de les diffuser. Et après effectivement il y aura des nouveaux groupes, et il y en a un qui s'appelle Skydroll. Est-ce que vous connaissez ce groupe là qui sera là au mois de décembre, le 5 décembre? J'ai entendu, voilà, bien. Skydroll. Donc ils viendront nous présenter leur travail. Apparemment, ça envoie, c'est un peu métal, hard rock et tout ça. Donc on va découvrir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il faut savoir que le programme, il est bientôt au bout. Donc s'il y a des groupes qui veulent venir, ben on peut les caler. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai déjà plusieurs contacts. Il faut que je organise tout ça. Mais là, pour l'instant, je m'occupe du Mavrica Live. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Très bien. On écoute encore un morceau. Alors un morceau qui a un rapport avec la mer. Ouais, plus ou moins. Alors ce morceau-là s'appelle Prendre la mer, et il a été composé à quelle occasion? Alors là. Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? C'est juste, j'avais la petite blague de la chute de la chanson. Je vais pas divulguer tout de suite, du coup. D'accord. C'est un petit peu à la Renault, non? C'est pas l'homme qui prend la mer là, et puis il y a eu. Parce que Renault aussi fait influence. Une légère inspiration. Ah oui, d'accord, une légère inspiration. Donc une chanson. Alors les marins, c'est pareil. Ils ont un point commun avec la tournée du Baron, c'est que ils boivent du rhum. Ah bon, ils boivent? Non. Non, c'était pas ça le truc. Si, si. Voilà, donc il y a peut-être ce petit côté-là, chanson peut-être à boire aussi, non? Ou non, non, c'était vraiment raconter une petite histoire. Et en d'accord. Plus, c'est à moitié du vécu. Donc voilà, c'était juste, j'avais une blague en tête, j'ai délié pour en faire toute une chanson. Et d'accord. Marche. Et donc le morceau s'appelle Prendre la mer, et on l'écoute tout de suite alors. On fait comme ça? Allez. C'est parti. Allez. Un jour j'ai pris le large. Un matin de printemps, avec aucun bagage, laissant femmes et enfants, je voulais faire une pause avec mes routines, voir enfin autre chose qu'un quotidien qui vit. Et les yeux dans les yeux, face à Poséidon, je lui ai dit mon vieux, ton truc c'est du bidon. Je vais dompter tes vagues, tes courants et tes vents, je résisterai à la drague, les sirènes et leurs chants. Et debout sur le pont de ce fameux bateau, regarder l'horizon et le vent dans le dos. Alors en me dressant à ce bel océan, je lui déclare tout fort, je suis le maître à bord. bosse et quai, dont la jante abrite les bateaux amarrés. Quand le port de plaisance commence à s'éloigner, c'est là que tout commence, la guerre est déclarée. Une vague ou deux ou trois, et le bateau qui tombe me retourne l'estomac. J'avoue, je tire la langue, j'ai de plus en plus chaud, et puis je deviens blanc. Je salive un peu trop, je crois que tout fout le camp. Et allongé en slip, dans un coin du bateau, je vomis sur mes tripes, pire qu'en sortie de bistrot. Et je pleurais ma mère, en implorant la mer de me ramener au port, je ne monterai plus à bord. Je me pensais sauvé, ça aurait été trop beau. Posé, il en insiste sur moi et ce navire. Ses vagues comme des balistes nous frappaient le chavir. Il s'en fallut de peu pour que je tombe à l'eau. Je m'agrippe de mon mieux pour sauver ma peau. Je vais grossir la liste des marins disparus. Je sais bien que c'est triste, mais l'océan m'a eu. Et allongé en slip dans un coin du bateau, je vomis sur mes tripes, pire qu'en sortie de bistrot. Et je pleurais ma mère, en implorant la mer me ramener au port, je ne monterai plus à bord. Nous rallions le port, l'équipage au complet. Sans déplorer de mort, nous avons résisté. Mais avant de quitter le navire vraiment, le capitaine nous fait un discours émouvant. Je veux vous remercier pour cette traversée du monde des poupées, bienvenue à Disney. Et pour le petit malin qui a vomi dans la barque, je lui conseillerais bien de dégager du parc. Et Mickey Dingo chercher, m'ont chopé par la peau, du coup pour me virer. Et moi depuis ce jour, même si j'ai rien fait pour, mais je suis blacklisté de tous les parcs Disney. Et moi depuis ce jour, même si j'ai rien fait pour, mais je suis blacklisté de tous les parcs Disney. Don't tell me what to do. So you can only wait feet with power that exist. The best element is inside you that nothing can split. And wanting to excel, succeed in everything. Maybe I should take some precautions not to burn my wings. Anyway, I'm gone. Behind us all the strange pushes us, and there our eyes alive but awaits us. All I want to do is fight so close to the sound of burning stars. Around me find foam that well across the path of Icarus by far. Achieve all my wishes by all means. It's magic when you see the powers of your feet. You're reborn from the flames that call me flames like the phoenix. Anyway, it's gone. Behind us all a strange wind pushes us, and there our eyes alive but await us. Flying so close to the sound of burning stars. And I'll be by phone down now across the path of Icarus by far. It makes me shiver my life. I put my feet out of the window. It makes me shiver my life. Retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après trois morceaux à la suite. Hein, on est comme ça dans l'émission Eureka. On parle beaucoup et pour se rattraper, de temps en temps, on passe plusieurs morceaux à la suite. On a écouté La Tournée du Baron. Ce sont nos invités de cette émission numéro 614. Alors, ils sont là ce soir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Prendre la mer. Donc, on en a parlé un petit peu. Donc, l'inspiration de la mer. Voilà, le petit côté Renault, le port d'Amsterdam, des choses comme ça aussi, non, peut-être par rapport au marin. Surtout Renault, ouais. Renault, surtout Renault. Très bien. On a écouté aussi Sika, hein, Sika avec le titre Enjoy. Donc Sika fera partie du prochain Maverick Alive. Donc c'est pas demain, mais le samedi suivant. Donc le 16 novembre, il y aura donc Sika en concert. Il faut venir absolument la voir. Je dis la voir parce que c'est la chanteuse, hein, elle s'appelle Jess, et le projet s'appelle Sika, mais en vérité ils sont plusieurs musiciens. Entre autres, il y a notre ami Chris qui est le batteur et qui faisait avant partie du groupe Yeti et qui est aujourd'hui avec Sika, parce que voilà, et c'est comme ça les aventures dans la musique. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau, ça faisait un petit moment que je n'avais pas écouté, et pourtant c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manston, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Burning Star. C'est un de mes préférés, c'est pour ça que j'ai passé. Et puis ce côté très british, voilà, c'est vraiment Raph qui est venu à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de Manston. Alors le groupe continue à se produire, etc. Non, c'est le cas. Je ne sais pas. Tu du sais tout, pas du tout où est-ce aujourd'hui qu'ils sont où ils en sont. J'ai pas entendu parler, j'ai pas de retour ni quoi que ce soit. Mais à la limite, si le groupe existe toujours et qu'ils se produisent, parce que c'est quand même un niveau, un bon niveau. Hein, c'est carrément des superbes chansons. Et s'il a envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça sera avec plaisir. Ça fait deux fois qu'il est venu et il y a un trou. Et ça sera un peu comme Arnaud Alden quelques années plus tard, revenir dans les studios, ça me fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, ça m'a fait du bien de réécouter ce morceau-là qui est super. Moment enregistré et interprété. Voilà, Manston, voilà, il faut quand même le dire, un superbe groupe qui est très inspiré quand même, le côté Oasis. Hein, trois fois rien. Trois fois rien. Donc il doit être content qu'Oasis se reforme. Ouais, voilà. C'est génial. Très bien. Voilà. On a encore plusieurs morceaux à écouter. Mais avant, on va continuer à découvrir l'univers de la tournée du Baron. C'est le groupe que nous recevons ce soir. On a parlé de pas mal de choses. Là, on va se tourner vers le futur et on va parler des projets. Alors, pour l'instant, vous avez enregistré 5 titres à Polysonic. Donc, c'est au studio où vous avez eu qui pour vous enregistrer? Gwen, non? C'était Gwen, ouais. Gwen, voilà, qui fait partie des Twister Cover. Eh oui. Des nouvelles des Twister Cover? Non. Bon, dès qu'ils sont prêts, ils viennent ici dans les studios. On les passera en priorité parce que c'est un groupe qu'on apprécie. Ils sont déjà venus ici et c'est un groupe qui fait partie quand même des grands groupes de la région orléanaise. Hein. Et en plus, ils durent depuis pas mal de temps. Donc, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Et je sais qu'ils s'occupent aussi justement de l'enregistrement de pas mal de groupes qui font de manière à pouvoir démarcher. Il faut des enregistrements et puis là vous avez quand même des trucs qui sont bien enregistrés, hein, franchement c'est il nous a chouchouté du bon travail. Il y a des belles pièces. Vous répétez là-bas aussi, non, des fois ou pas du tout? Jamais, parce qu'il y a certains groupes qui, voilà, donc notre ami Gwen qui vous a enregistré ces morceaux là est-ce que plus tard vous voulez enregistrer un album, peut-être dans un grand studio, remixé aux États-Unis, masterisé au Japon. Je pense qu'on va rester local quand même. D'accord. Ouais, il faut faire travailler les talents locaux. Ça, c'est important. Notre rêve d'enregistrer à Vierzon et tout. Vierzon. Vous êtes localisé où à peu près? Orléans, à l'est, au nord, au sud. On est deux à côté d'Orléans, ouais. Et d'accord. Puis vous êtes un petit peu excentré. Nous, on est à l'est. À l'est. Ouais. D'accord. Donc voilà, vous êtes le pays de l'Est un peu. Ouais, c'est ça. À l'Est, d'Orléans. Avant Châteauneuf. À l'Est, avant Châteauneuf. Avant Châteauneuf. Ouh. Parce qu'après Châteauneuf, ouais, c'est là, quand même. C'est le Grand Est. C'est le Grand Est. C'est le grand froid et tout, et qui est Chapka, machin. Voilà, on rigole, mais bon. C'était histoire de savoir. Donc vous, si vous tournez, c'est principalement. Après, ça sera plutôt dans la région orléanaise, hein, pas très loin, quoi. On se refuse. Ouais. Pas grand chose, parce qu'on va on va aller un peu aussi dans le Cher, hein, à Vierzon. Oui. Justement. T'as vu voir Vierzon, on a vu Vierzon. Ouais, et pourquoi pas le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire. Ouais, tous, le tous les groupes. Le centre. Le centre, tous les départements qui se trouvent autour du Loiret. Hein, donc, tout à fait. Vous avez cette possibilité. Et après. Et à l'occasion de balade ailleurs, on n'est pas contre. Hein. Ouais, si par exemple il y a une tournée américaine ou un truc comme ça, vous êtes demandé par exemple aux États-Unis, est-ce que vous pouvez venir? Ouais, on arrive. Le plus compliqué, ce sera de traduire toutes les chansons en anglais. mais sur l'idée, on n'est pas contre. Hein. Et après, c'est pareil. Vous connaissez peut-être le groupe La Jarry aussi. On l'a diffusé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Ils étaient au Rébrechien. Eux, ils vont assez régulièrement aux États-Unis, au Canada, etc. Et justement, ils ont fait des versions que c'est pas forcément très connu. Parce que nous, on connaît avec la langue française. Parce que La Jarry, c'est quand même un groupe qui chante en français. Mais ils ont aussi leur version américaine. Donc, quand ils chantent aux États-Unis, donc ils ont travaillé. Parce que Benoît, c'est pas sa langue. L'anglais, il a travaillé pour avoir pour que ça sonne bien, pour que les gens détectent pas que c'est un froggy qui est en train de chanter, etc. Donc, ils ont travaillé tout ce truc-là parce que, effectivement, les Américains, ils aiment bien qu'on chante dans leur langue à eux. Ouais. Voilà, ils sont comme ça. Les Canadiens, par contre, ils apprécient aussi la langue française. Ça, c'est une belle chose aussi. C'est les cousins des Français, hein. Donc, chanter en français, là-haut, ça passe bien au Canada. Voilà. Il y a plusieurs trucs comme ça. Mais bon, il faut savoir qu'ils ont des albums qui sont enregistrés en anglais. Et des fois, ils peuvent les chanter aussi en anglais. Voilà, ça arrive. Ah, tu vois, Valentin, l'avantage, c'est que le saxo, dans toutes les langues, c'est pareil. Ouais. Toi, tu te débrouilles avec tes paroles. Donc, on va dire aussi quels sont les concerts, puisque donc le 8 novembre, donc une date extrêmement importante dans la vie de la tournée du Baron. Donc, le 8 novembre 2024, c'est aujourd'hui, émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel de 19h à 22h. Donc, voilà, on est en plein dedans. Après, il faut passer en 2025. Donc là, vous allez partir en vacances, non? Non, c'est qu'au départ, on s'était donné un peu comme deadline de commencer les concerts en 2025, histoire d'être sûr d'avoir tout notre set de prêt, etc. Et comme on a eu la chance de pouvoir être invité chez Mavrica. Ah bah oui, avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, ça nous a donné un petit coup de boost, on a accéléré un peu, on a travaillé nos enregistrements, tout ça, et donc c'est bien, ça nous a bien préparé. On est là pour ça aussi. Hein. La radio est un petit peu en avance par rapport au concert, mais qu'on est déjà prêt. D'accord, très bien, comme ça au moins on peut commencer à l'annoncer. Et puis, donc le 15 mars, ça sera à Loury. C'est à quelle occasion C'est dans le cadre d'une fête pour l'école de musique de Loury. D'accord. Et il y a un concert qui est organisé, du coup, c'est un concert sur une après-midi, un petit peu prolongé sur la soirée, où il y a plusieurs groupes, en fait, qui jouent pendant cet événement. D'accord. Donc le 15 mars à Loury, le 26 avril, le petit mess. Donc le petit mess, c'est un endroit. C'est quoi? C'est un restaurant. C'est un resto-bar. Ouais. Un resto-bar. D'accord. Ouais. Donc vous jouez sur des scènes et vous jouez aussi dans les petits endroits. Exactement. Vous avez la possibilité de vous adapter facilement. Donc le petit mess, c'est 1 rue des Hauts-Talons. Voilà. Voilà. Exactement. À Mesa. Messas, je dirais. 45 190. Donc le 26 avril. Donc c'est facile à s'en souvenir puisque c'est le lendemain de la révolution des œillets, le 25 avril. Hein. Pour tous les Portugais, ça sera très simple. Le 17 mai 2025, ça sera au relais de Dampierre, donc 1 rue de Saint-Pierre, 45 570, Dampierre en Burly. Donc, carrément un restaurant là. C'est un restaurant, ouais. D'accord. Là, petit bar, après restaurant, et puis voilà. On voit que vous êtes dans la progression. Donc le 14 juin, donc le Narval. Donc c'est à Vierzon cette fois-ci. Donc ouais. Là, c'est carrément Vierzon, c'est l'autre capitale du rock and roll, de la musique en général, quoi. Voilà. Donc dans le 1800, donc c'est 3 avenue Édouard Vaillant, donc le Narval. Alors le Narval, c'est quoi? C'est un restaurant aussi? C'est un bar plutôt, bar presse. D'accord. Pour l'anecdote, il s'agit du bar presse d'une de mes meilleures amies d'adolescence, en fait. Et du coup, on va jouer chez elle, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Bah voilà. Cool. un endroit où, où les artistes peuvent se produire, donc il faut quand même en parler. Et c'est vrai que là, c'est des endroits qui sont... on n'en parle pas forcément dans, dans l'émission Marika, parce qu'il y en a certains qui sont sur Orléans, qu'on parle assez régulièrement, les endroits où les artistes peuvent se produire. Et là, c'est des endroits qu'on ne connaît pas forcément, mais il faut savoir qu'ils existent. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on les cite. Donc, et le 21 juin, donc patience, on vous dira tout bientôt. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur votre petit message que vous m'avez envoyé. Le 4, ah, le 4 juillet, il y a aussi une autre date, c'est au Ventre Jaune. Donc 76 place de l'Église à Marcy en Villette, 45 240, c'est ça? Ouais. Donc voilà encore. Ah bah il y a déjà plusieurs dates hein, qui sont déjà programmées. Et puis le 21 juin, donc on en saura un peu plus. Et comment on fait pour vous suivre? Est-ce qu'il y a le Facebook déjà? Il y a Facebook, ouais, tout le à Facebook. Fait. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a autre chose? Bah ouais, on a un site, où il est pas encore bien alimenté parce qu'on attend de faire ah bah oui. concert pour pouvoir mettre des choses intéressantes dessus. Qu'on trouve facilement aussi, on l'a mis en lien sur Facebook, hein, c'est la tournée du baron.webcadeau.fr. Alors, d'accord, oui, c'est pas aussi. J'ai vu ça, webcadeau, ouais, webcadeau.fr. On va peut-être un nom plus tard, on prend un domaine exprès, mais voilà, pour l'instant, d'accord. ça s'appelle comme ça. Mm-hmm. Et puis, bah tiens, j'en profite pour dire, bah, on a des dates là et tout, j'ai des copains qui nous écoutent à Pavant s'ils nous trouvent un endroit où jouer. Moi, ça, c'est un message personnel, mais comme ça, ils trouveront un truc. Et puis, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de vous contacter, donc ils vous contactent sur le Facebook, par exemple. Ouais, c'est très Il y a bon. Une adresse mail aussi ou... Une adresse mail, oui. C'est la tournée du baron@gmail.com de façon absolument originale. Voilà. Tout qui se touche, la tout, tournée tout du baron. Tout qui se touche, d'accord. Pas d'effort. Par rapport à ce que tu disais, les concerts, si jamais vous êtes particulier et que vous avez envie qu'on joue dans votre garage ou dans votre jardin quand il fait beau et chaud et que vous avez envie de faire la fête, bah, on vient faire la fête avec vous, il n'y a pas de souci. Vous vous adaptez à tout, quoi. On s'adapte à tout. D'accord, dans une petite scène, grande scène, Olympia, Zénith, etc. Après, il faut que le matos suive, quoi. Et bon. Stade de France, peut-être. Pour bientôt. Pour bientôt. Et on voit aussi avec le groupe Never Comply. D'accord. Pour voir à la brasserie du Voray à Mardier. Mm-hmm. On est en train de voir avec eux peut-être pour aller faire une date chez eux. D'accord, donc là pas mal de dates déjà, donc vous projetez déjà dans l'avenir. Donc là ça sera, il faudra attendre 2025, la première date c'est au mois de mars, mais après c'est assez suivi quand même, il y a pas mal de choses là. Ok, donc voilà pour les dates, on pourra les rappeler d'ici la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres projets à part les concerts? Bah, l'enregistrement sera pour plus tard. Pour plus tard. Comme on disait, quand on aura plus de chansons, parce que 5 c'est bien pour une maquette, on ouais. aimerait bien en faire plus pour un album. Un album, ouais, c'est combien? 10 chansons minimum? 12? Ouais. 15? Ouais, une dizaine. Double album? Une petite dizaine et puis 5 pistes cachées. Voilà. D'accord. Ça sera bien. Tracks. Okay. D'accord, il faut les chercher après. Ouais, comme dans certains DVD, il y avait des trucs qu'il fallait chercher. On arrivait à trouver, mais c'était pas évident. Il fallait taper sur le menu à un endroit précis pour pouvoir accéder à certaines choses. Et des fois, les gens, ils avaient le CD, le DVD, ils avaient jamais exploré ce côté-là. Et après, c'était dans des bouquins où ils révélaient telle chose. Et puis les gens, après, les refouillaient dans le truc. Et ah oui, effectivement, il y a le making of où il y a telle chose, le bonus track ou un truc comme ça en plus. Donc voilà. Il y a aussi des. Je me souviens, il y avait. Maintenant, ça se fait plus parce que bon. Les CD, c'est pareil, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. Je pense que les gens, ils aiment bien aussi avoir l'objet. Mais je me souviens qu'il y avait des CD audio dans lesquels il y avait des pistes qu'on pouvait mettre sur l'ordinateur ouais. pour accéder à telle autre chose. Tout ça. À fait. Des bonus comme ça qui étaient. Ouais, il y avait pas mal de trucs. Ou alors, des petites vidéos en plus qu'il fallait qu'on pouvait pas lire dans un lecteur, mais qu'on pouvait lire sur un ordinateur. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu tout ça. Bah déjà oui, la lecture, bah un lecteur CD sur un PC déjà. Ouais. Ça devient ouais, d'ailleurs même les ordinateurs portables maintenant tu j'ai le CD Windows, là, je veux réinstaller, je fais comment? Donc là il faut un petit lecteur externe et après ce qu'il faut c'est avoir un petit lecteur pour tous les ordinateurs. Bah parce oui. que souvent, voilà, c'est ce qui se passe. Donc on en a un qui est équipé d'un lecteur et puis après on installe sur tous les autres, quoi. Voilà, c'est vrai que ça devient rare, hein. Et après, moi, je sais que j'écoutais beaucoup les CD. Aujourd'hui, je me sers principalement du pour numériser les morceaux, pour après les rediffuser sur mon ordinateur à la radio, quoi. Voilà. Donc, on numérise, mais on n'écoute plus le CD vraiment en direct, quoi. Et t'as même le retour du vinyle. Il y a ouais, du vinyle le retour de du partout vinyle, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on a été il y a pas très longtemps. C'était au salon du vinyle et la bande dessinée. Donc c'était il y a 2 semaines. Et effectivement, des CD, il y en a pas énormément. Par contre, le vinyle, les gens sont passionnés de ça. Ça revient et on retrouve plein de rééditions et des vieux albums aussi qui sont collector, qui sont devenus très chers et tout ça. Donc il y a cette folie du vinyle. Et c'est vrai que on l'avait laissé un peu tomber parce qu'il y avait le CD. Le CD, on dit ouais, c'était miraculeux. Alors c'est vrai que les vinyles c'est fragile. Il faut faire attention à pas mettre les doigts dessus. Il faut pas les rayer. Il fallait les essuyer parce que la poussière s'incruste dans les pistes et tout ça. Quand on a eu le CD, on dit ah bah attends, on peut en faire ce qu'on veut. Et puis on avait un support pratiquement indestructible. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai parce qu'ils disaient ouais, ça peut durer des années, mais finalement si on les stocke mal, moi j'ai eu le cas des trucs où les pistes décollent. Hein, simplement. Mmh. Et le problème du vinyle, c'est que il se met à craquer, il se met à pas mal de choses, mais le CD, il est illisible carrément. C'est tout ou rien. Ou ça marche, ou ça marche plus du tout. Alors que, bon, un vieux vinyle, on peut toujours le mettre, il va craquer, mais on va pouvoir l'écouter. À quand le vinyle du baron? Le vinyle du baron. Ah, ça me paraît bien, ça va avec le style chaud. Donc voilà, il y a ces trucs-là. Donc le vinyle est toujours là. Il y en a même certains qui ressortent des morceaux sur cassette. Sur cassette. Donc après, il faut avoir des lecteurs aussi, parce que tout le monde ne les a pas. Des lecteurs. Et après, il y en a certains qui sortent aussi leurs trucs sur clé USB. On achète une clé USB où dedans, ouais, il y a déjà les morceaux. Donc ça se fait déjà depuis quelques temps. Bon, on va essayer d'être moderne. On a prévu de les mettre sur des plateformes classiques bientôt, normalement. D'accord. Donc, bon. D'ici quelques semaines. Bon, moins de... Une semaine, peut-être. J'aimerais bien que ça arrive vite. Faut qu'on les poste rapidement un peu partout. Sur les plateformes connues, disons Spotify, Apple Music, tout ça. D'accord. Après, il y en a aussi qui mettent sur YouTube. C'est votre cas ou non? Peut-être dans le lot. Si, aussi. Ouais, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de vidéo complète, vous mettez une image et puis le truc, les gens peuvent écouter aussi. Voilà, l'important, c'est de diffuser votre musique partout. Et est-ce que quand les gens vont au concert, ils ont envie d'acheter un CD, est-ce qu'il va y avoir un CD physique ou pas du tout, du merch. Ou un vinyle ou... Oh, du merchandising, oh yeah. D'oreille, la tournée du baron. Ok. Pas prévu encore, mais... On y réfléchit. Des sous-bocs avec le logo, j'adore. Ah, des sous-vêtements, la tournée du baron. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui vont au concert, ils sont friands de ce genre de choses-là. Donc ils ramènent un pins, ils achètent jamais de pins, jamais, mais là, ils ont été au concert, ils ont vu tel groupe, ils veulent avoir le pins, ils veulent avoir le CD, ils veulent avoir le t-shirt, ils veulent avoir... Et c'est vrai que c'est humain. Tu parles de pins, ce support qui est revenu à la mode, ça y est. Il y a aussi les badges. Les badges, ouais. Badges, les trucs comme ça, des choses qui reviennent, hein, des choses qu'on croit enterrés, qui reviennent au bout d'un certain temps. Et puis, c'est le côté aussi kitsch. Mais côté, complètement. Voilà, on aime bien ce truc-là. Le badge sur le sac et tout. Très bien, voilà. En tout cas, moi je sais que j'ai une collection de badges avec plein d'artistes qui m'ont donné leur badge. Et c'est vrai que des fois, je regarde. Il va falloir que je fasse j'ai des trucs géniaux. Moi, j'ai des idées. Un de ces jours, je vais attendre qu'il fasse beau. Je vais prendre tous les CD de tous les artistes que j'ai reçus ici, les mettre autour de moi, dans ma pelouse, et puis prendre une photo vue d'en haut. Parce que c'est impressionnant. Il y en a énormément. Et après, je peux faire la même chose avec les affiches. Je peux faire la même chose avec les badges, il y a un tas de choses comme ça, les autocollants simplement, les autocollants, on les garde comme ça, on les met dans une boîte, on les colle jamais, mais finalement on garde un tas de trucs comme ça. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui aiment ça, donc les gens qui vont voir les gens au concert, et après ils aiment bien aussi les faire dédicacer, par exemple un CD, c'est l'occasion de le faire dédicacer, donc voilà, c'est le truc personnalisé qui peut plaire aussi. Ça fait plaisir, toujours. Et une banane, la tournée du baron. Ah, il faut des bretelles, la tournée du baron. C'est vraiment le mieux qu'on puisse trouver. Bonjour. Moi, ce que j'aime bien, votre logo aussi rappelle un petit peu les dessous de verre. C'est ça. Hein. Ça moi, c'est comme ça que j'ai vu. Peut-être faire un dessous de verre, ou alors le CD lui-même, le faire comme ça. Ou, voilà. Je pense que vous avez déjà pensé avant moi. Hein. Et, bien sûr. Pourquoi j'ai pensé au dessous de verre avant le CD, moi? Ou alors, c'est une boîte de CD, dedans il y a un dessous de verre, et on peut pas le mettre dans un lecteur. Non, ça marche pas. Non, c'est un dessous de verre, voilà, c'est tout. Très bien. Bon, des idées à suivre un petit peu. D'autres projets, un clip vidéo par exemple? Ça, je pense que c'est compliqué à faire. On a pas vraiment les compétences techniques. Après, voilà. Il faut se faire aider en aussi. Il y a des oui, gens qui sont passionnés autour de vous, qui ont envie de vous donner un petit coup de main, voilà, sur un projet comme ça, ça peut se faire, et puis ça peut être marrant, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent les vidéos au même temps qu'on découvre les morceaux, quoi, les singles. Donc après, ça peut être une manière aussi de vous faire connaître un peu plus, quoi. Bouteille à la mer à des monteurs bénévoles, si jamais vous êtes intéressé par la tournée du Baron. Pareil pour le titre, la tournée du Baron, en prenant des lives et tout, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Bah oui. Bon, ben voilà, c'est une idée que vous avez sûrement déjà en tête et ça demande à être développé. Puis peut-être il y a des gens qui doivent vous assister pour ce truc-là parce que vous n'avez peut-être pas l'expérience. Vous êtes d'abord des musiciens quand même. Surtout, ouais. Des musiciens, et aujourd'hui les musiciens sont des techniciens. Ils font aussi les recherches de dates, ils font aussi un tas de trucs. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Hein. Être musicien, c'est pas que de la musique. Hein, voilà. Donc la vidéo en plus, c'est vrai que c'est très très ça bouffe beaucoup de temps, quoi, voilà. C'est clair. Très bien, d'autres choses à rajouter ? Non, c'est bon. Bon, on va écouter un petit peu de musique parce qu'on a bien papoté quand même. Hein. On va écouter le prochain morceau que j'ai calé. C'est le dimanche matin. Alors ça, je suppose que c'est par rapport au samedi soir, non ? Il y a un rapport ou non ça... Ben, pas pour moi qui le chante, après pour les autres, oui, peut-être. Mais, alors, c'est... Le dimanche matin. Voilà, c'est ça, le dimanche matin, ce que je fais quand je me lève et que je prends mon café. D'accord, donc le dimanche, c'est ton jour de repos, je suppose ? Ça, quand j'ai écrit la chanson, oui, c'était ça. Oui. Donc c'est un jour où tranquille, quoi, finalement. C'est ça, tranquillement. Ok. Poser à la fenêtre et regarder ce qui se passe. D'accord, observer les gens, quoi, tout simplement. Exactement. Très bien. Très bien, les gens qui passent. on écoute ce morceau tout de suite et on se retrouve après avec la tournée du Baron. C'est leur émission, édition numéro 614 de l'émission Mavrika. J'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins. Debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. En face dans la coloc, ça ressemble à Verdun. Tous les trois comme des loques, qui ne comprennent plus rien. Entrez il y a une heure, vautré sur le canapé. Méditant sur le bonheur, ils sont pas prêts de bouger. Une halte en s'en dit. Une vidange d'estomac, une grosse envie de pipi, les rester dans le coma. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins, debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Et mon voisin de palier, celui qui gueule quand je chante, se pose devant sa télé, ses émissions bandantes. Sa femme passe la serpillière et son mari infâme lui redemande la bière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins, debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Et les vieux du rez-de-chaussée qui sortent leur petit chien avant de partir prier, bien sûr, le 31. Vers la cathédrale, un petit peu après l'autre, écouter des morales et être bon apôtre. Ils s'en ferment les yeux pour pas voir la misère d'un homme si bon qui se nourrit pas de prière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins, debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Ta

Never stop. Voilà, on a écouté trois morceaux à la suite, hein, et trois bons morceaux, hein, comme toujours. La bonne musique, elle est sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Merci d'écouter l'émission Mavrika tous les vendredis de 19h à 22h. Donc, on a écouté La Tournée du Baron avec le dimanche matin. Donc, effectivement, une très belle chanson. C'est frais, c'est agréable à écouter. La Tournée du Baron, c'est le groupe qui est notre invité de cette édition numéro 614. De Mavrika. On a écouté aussi le groupe FM1 avec Funkadelic, et à l'instant c'était Way of Life interprété par Prisma, tout simplement pour vous annoncer que la semaine prochaine ils seront en concert. Alors il y aura FMR, il y aura Prisma, il y aura aussi Sika qu'on a écouté tout à l'heure, et ils seront donc à l'espace Bérère pour le Mavrika Live numéro 13. Donc 13, ça porte bonheur, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que vous serez nombreux, on vous attend très nombreux. On a une très grande salle, donc amenez vos amis, amenez vos connaissances, votre famille, hein, et c'est pour tous les publics, et on passera un très bon moment tous ensemble. C'est l'occasion justement de se rencontrer, tous les artistes de l'émission Mavrika, tous les gens qui nous suivent, qui adorent la musique. Donc et puis là j'ai aussi notre ami Pascal Depardet qui est intervenu aussi sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous pouvez aller sur le Facebook, hein, sur le mur on résume un petit peu tout ce qui se passe dans l'émission Mavrika. Donc il y aura les photos très bientôt, on les a pas encore prises, on les prendra en fin d'émission. Il y a aussi le programme de cette édition numéro 614 avec tous les noms des artistes, et on a aussi des gens qui interviennent, donc il y en a de plus en plus, hein, pas mal de gens qui sont intervenus sur le Facebook ce soir, et entre autres monsieur Pascal Depardet qui est autre que le contrebassiste du groupe Swim Camille. Vous le connaissez, le groupe Swim Camille? Pas du tout. Pas du tout. Bah, ça sera l'occasion peut-être de les rencontrer un jour. Et c'est aussi, je vais vous le dire, hein, c'est aussi le secrétaire de l'association Mavrika. Voilà. Ah. Et hier, on s'est réunis, etc. Donc, il tenait à ce que je dise quelque chose, c'est que le jour du Mavrika, il y aura, on va faire une petite tombola, donc les gens, ils pourront participer, et il y aura des choses à gagner. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire gagner aux gens? On s'est dit, on va leur faire un lot avec plein de CD de plein d'artistes qui sont passés dans Mavrika, parce que régulièrement, ils m'en laissent plusieurs, et puis je les accumule, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, on va aller en faire profiter aux auditeurs, donc régulièrement, on en fait gagner dans l'émission Mavrika, mais cette fois-ci, on fera un petit lot. Et le gagnant aura une bonne dizaine de CD avec les artistes de la région, ce qui est bien. Donc voilà, on va organiser ça va se faire. Et ça sera l'occasion de repartir avec un petit lot si vous avez effectivement un petit peu de chance. Alors moi, je n'ai jamais de chance. Hein. Y a une vis qui tombe d'un avion et tombe sur ma voiture. Hein. Y a un parking de 3000 bagnoles, c'est sur ma voiture. Mais par exemple, si c'est pour gagner au loto, un truc comme ça, je peux jouer autant de fois que je voudrais. Ça sera pas pour moi. Voilà, je suis comme ça. Donc je compte pas sur la chance en tout cas. Mais effectivement, là, il y aura bien quelqu'un qui va le gagner. Et donc, on va parler de ça. Donc, c'est très important. Donc, ça se passe à l'espace Bérère. Il y aura donc quatre groupes. Il y aura la bande à Pierrot, qu'on écoutera en fin d'émission. J'ai gardé un morceau pour la fin de l'émission. Il y aura, c'est en interscène. Après, sur la grande scène, il y aura le groupe Éphémère qu'on a écouté tout à l'heure. Il y aura le groupe Sika. Et il y aura le groupe Prisma. Voilà, trois groupes sur la grande scène et un en interscène. Et ça commence à 18h. Il y aura aussi des exposants avec plein de gens qui seront là pour montrer leur travail, hein. Donc c'est des artisans, c'est des gens qui vont des photographes, etc. Et puis ça dure jusqu'à minuit, donc voilà. Donc c'est l'occasion de venir passer un bon moment avec nous. Je voulais aussi remercier une personne qui nous écoute, hein, j'en suis persuadé. Il fait un peu partie de l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, puisque c'est lui qui enregistre toutes les émissions et qui fait le podcast. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, comme en début d'émission, des gens qui m'ont appelé en me disant « je pourrais pas écouter ton émission aujourd'hui parce que j'ai telle chose ». Mais ils savent très bien qu'il y a un podcast. Donc le lien sera partagé sur le Facebook de l'émission Mavrika, sur le mur, dans le courant de la semaine. Et ce lien vous permet d'écouter l'émission si vous l'avez loupée, de la réécouter si vous l'avez appréciée, et de l'enregistrer si vous voulez garder des traces. Donc voilà, et c'est notre ami Florent qui s'occupe de ça. Et Florent fait un travail, vraiment un très bon travail, puisqu'il enregistre toutes les émissions qui sont faites ici au studio de Radio Arc-en-Ciel, rue du Faubourg-Bagnier à Florie les Aubrais. Voilà, j'ai rien oublié, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, il nous fait un petit coucou, il est en direct en live, hein. On est vraiment en direct live, et il nous écoute et puis on lui fait un petit salut parce que franchement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est toujours là et on peut compter sur lui. Ça c'est très important dans la vie actuelle parce qu'aujourd'hui tout le monde se méfie de tout le monde et heureusement il y a des gens super grâce à l'émission Maureka que j'ai rencontré et il en fait partie et c'est pour ça que il faut dire aux gens qu'on les aime. Voilà, tout simplement. On dit pas aux gens qu'on les aime pas, à la limite on les ignore, mais les gens qu'on aime, il faut le dire, voilà, on t'aime pour cette raison, etc. Voilà, donc un petit coucou à notre ami Florent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On arrive à la fin de l'émission, est-ce que vous avez des messages particuliers à faire passer auprès des auditeurs? Là, je vous ai pris un peu de cours. Hein. Il parle beaucoup pendant ce temps-là, nous on l'écoute, si. Il est bien. C'est à nous de parler. Ah d'accord, ok. Il y a un truc qui nous a surpris tous, tous les quatre pendant la, tous les quatre. Si, parce qu'il l'a dit aussi Roméo, qu'on a vu des gemmes en plus. Oui. Ah ouais, des gemmes en plus. Et ça, c'est la classe. Voilà, ça c'est la classe. Ouais. C'est grâce à l'émission Maureka que vous avez réussi à avoir quelques j'aime en plus. Et ça fait partie. C'est des gens qui vont continuer peut-être à vous suivre parce qu'ils ont apprécié ce que vous faisiez. Et des gens qui vont peut-être aller vous voir au concert aussi. Espérons. Parce que moi c'est pareil. Des fois, on a parlé tout à l'heure d'autres groupes. J'entends un nom une fois, je dis tiens. Il revient, et puis au bout d'un moment, je m'intéresse, et après, au bout d'un moment, on a des contacts, au bout d'un moment, ils viennent dans l'émission, au bout d'un moment, on va les voir en concert, et voilà, on crée des liens, et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est un petit déclic. L'émission Maureka, elle est là pour parler des groupes, et pour que les gens entendent un petit peu l'oreille, ils disent, ouais, c'est pas mal ce qu'ils font, ou alors, bon, j'aime moins, je préfère un tel ou un tel, mais au moins, ils ont un endroit où ils peuvent s'exprimer. Donc, diffusez vos morceaux, parlez, dire ce que vous avez à dire. C'est l'émission Maureka, elle est là pour ça. Et vous avez quelque chose? Non, vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu. sinon, vous pouvez faire coucou à votre famille, à tous les gens qui vous suivent, et tout ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce qui est chouette dans l'émission Maureka, c'est la personne qui est derrière aussi, parce que on s'est rencontrés une première fois. Ouais. Puis, on est revenu avec d'autres gens, on fait la fête, on revient. On passe un bon moment, quoi. Bah oui, toujours. Ouais. Et c'est ce que les gens ils me disent des fois. Ils me disent 3 heures. Mais 3 heures, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant 3 heures à la radio? Et finalement, les 3 heures passent très vite. Et puis finalement, on arrive à la fin. Des fois, on dit tiens, on a oublié de dire telle ou telle chose. On avait lancé telle idée et puis on l'a pas développée. Mais ça fait partie. C'est en direct live. Hein. C'est pas une émission enregistrée où on a coupé des choses ou on en a rajouté d'autres. C'est quelque chose qui se fait dans le courant, vraiment en direct. Et les gens qui nous écoutent, ils peuvent intervenir aussi sur le Facebook. Ça nous fait plaisir d'avoir pas mal de gens qui interviennent ce soir. Il y a des jours c'est plus tranquille. Il y a deux jours où il y a beaucoup de gens et ça nous fait plaisir. Et après sur le Facebook, vous pouvez y aller tout le long de la semaine puisque de toute façon il est toujours ouvert. Et puis vous pouvez continuer à nous mettre des petits j'aime. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est quelque chose qui continue toujours l'émission Maureka. Et donc Matt, tu es venu déjà avec plusieurs projets et puis là donc un de plus. Alors j'espère que celui-là il va durer très très longtemps, hein. J'espère que vous allez revenir régulièrement dans l'émission pour nous donner de vos nouvelles et puis j'espère aussi pouvoir assister à un de vos concerts un de ces jours. Voilà. Tu seras le bienvenu toujours. Voilà, si on devait donner deux couleurs à votre univers, quelles seraient-elles? Ah, c'est du sépia de toute façon. Ah ouais, du sépia. Sépia. Ah ouais. D'accord, pourquoi sépia? C'est côté vintage. Ouais, je pense que c'est ça un peu. Ouais. C'est l'idée que je m'en fais. D'accord. Et ça, des sonorités qui sont pas forcément ultra modernes, mais qui sonnent bien. Ouais. On pourrait dire brune, blonde, ambrée, rousse. D'accord. Ouais, c'est une analogie avec, la photo. Absolument. Tout à fait, oui. L'abus d'alcool est dangereux. Voilà, on peut apprécier les bonnes choses et ne pas en abuser. Voilà, c'est ça le plus important. Boire avec modération et apprécier les bonnes choses. Voilà. Toujours. Très bien. Donc sépia et puis après. Arc-en-ciel, non, ça fait de la pub. Ça, vous pouvez le dire. Alors voilà. Dans l'émission Maureka, on dit des couleurs et c'est vrai que toutes les couleurs sont acceptées. On accepte aussi le noir et le blanc. Certains disent que c'est pas des couleurs. Et après, il y a aussi effectivement le Joker, c'est arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs en même temps. Et on est forcé de l'accepter puisqu'on est sur Radio Arc-en-ciel et on est dans l'émission Maureka. Maureka, ça veut dire arc-en-ciel en slovène. Voilà. pour ceux qui ne le savaient toujours pas. Je le savais. Mais vous le saviez. Il parle couramment le slovène et donc le savait. D'ailleurs, ça se dit pas Mavrica en slovène, ça se dit Mavrica. J'allais te le dire justement. Voilà, c'est ça. On m'a repris plusieurs fois. C'est vrai qu'une fois, il y a des personnes qui m'ont repris en me disant ouais, mais c'est du slovène, donc ça se dit pas comme ça. Je dis ok, d'accord, je le savais pas, mais bon, nous on a gardé Mavrica, on le prononce à la française, mais c'est un petit clin d'œil effectivement, parce que comme c'est sur Radio Arc-en-Ciel et uniquement sur Radio Arc-en-Ciel, j'ai pris Arc-en-Ciel, j'ai traduit dans toutes les langues du monde. Aujourd'hui, c'est facile sur Internet, hein, et j'ai regardé et ça sonnait bien Mavrica. Je me suis dit tiens, on garde ça. Voilà, arc-en-ciel. Donc voilà, donc arc-en-ciel sépia. Donc toutes les couleurs, ou alors si on faut en garder qu'une, ça sera sépia. Voilà. Ce côté-là. Bien. Très bien. Voilà, c'est noté. Alors quel serait le gros délire artistique que vous aimeriez avoir dans le futur? Par exemple, on a parlé tout à l'heure de tournées américaines, australiennes, japonaises, ou je sais pas, faire sympa, un concert dans un endroit particulier, ou la première partie d'un grand groupe. Non, mais déjà rien que jouer avec des groupes, même qu'on connaît déjà, et puis réussir à, je sais pas, faire une fin de scène. En mélangeant nos styles, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Ouais. D'accord. Ok, ça c'est... Ouais, un collectif de groupes qui se réunit, une espèce de mini-festival de groupes locaux, de potes, quoi, en fait. Mm-hmm. Ça pourrait être chouette. Bah ouais. Très bien. Et puis après, vous pouvez aussi postuler pour les prochains Mavrica Live, hein, quand il y en aura. Alors, on s'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas été retenus, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même 40 postulants pour 4 groupes qui ont été sélectionnés. Donc il y en a certains qui m'ont dit ouais, mais on n'a pas été choisi, voilà, on nous a boudé. Non, c'est pas qu'on vous a boudé, c'est qu'il fallait en prendre 4 et on n'avait pas le choix, on pouvait pas les prendre les 40. Donc il y aura d'autres éditions, et dans les autres éditions, on va essayer de faire jouer tous les groupes qui le veulent. Donc après, si vous voulez un jour participer à Mavrica Live, il suffira de postuler pour le prochain. Et le prochain, si je me trompe pas, c'est le 19 avril. Donc voilà, on est en train déjà de travailler ce 19 avril, et il y en aura un autre, ça sera le, si je me trompe pas, c'est au mois d'octobre, donc on a encore le temps d'en parler d'ici là. Au mois d'octobre, il y en aura un deuxième. On va en faire deux cette année, donc ça sera un peu plus que d'habitude. Voilà. Très bien, donc voilà, c'est peut-être l'occasion justement de rencontrer d'autres groupes, faire des trucs ensemble. Et je me souviens qu'une fois, il y avait un Mavrica Live où il y avait les See You Soon, un groupe qui n'existe plus, et il y avait les Ice Cream. Et à la fin, ils sont tous montés sur scène, ils ont fait les See You Scream. Ah, voilà, c'est fort. See You Scream, ça voilà. Donc voilà, ils avaient fait un truc improvisé. Donc la batterie, un bassiste qui s'est mis à jouer quelques accords dessus, une série d'accords. Après, le guitariste, il écoute les accords, hop, ça revient, hop, il joue un truc dessus. Et puis le chanteur, il s'est mis à improviser là-dessus en yaourt. Et puis voilà, ils ont fait un truc. Mais bon, c'était marrant. L'enregistrement existe en plus, on l'a déjà diffusé, parce que il y a pas très longtemps, on a reçu un groupe qui s'appelle Elixir, et dont le chanteur était le chanteur des Ice Cream, et je lui ai diffusé ce morceau-là et il dit ouais. Donc voilà, c'est un truc qui avait été fait comme ça. C'était mal enregistré parce que ça a été fait dans un, mais bon, le document était là, il existe, et puis ça fait partie de l'histoire du rock and roll. Voilà. Voilà. D'autres choses à rajouter, non? Bon, on est bien. On a bien, en 3 heures, on a bien meublé, on a dit ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'on n'a rien oublié. On a même un peu de temps pour réfléchir. C'est des choses à rajouter. Et je propose qu'on écoute le dernier morceau. Eh ouais. Alors, le dernier morceau, il s'appelle comment? La grosse soso. La grosse soso. Donc, j'ai gardé pour la fin. Je sais pas si j'ai bien fait ou... C'est le plus vieux, je pense, que j'ai gardé. Le plus vieux morceau écrit. Donc Soso, c'est elle existe. Oui, elle existe. D'accord. Est-ce qu'elle écoute en ce moment? Je pense pas, parce que là au Costa Rica, je suis pas sûr qu'il soit l'heure d'écouter la radio. D'accord. Ah bah oui, après c'est. Ouais. Je lui partagerai la chanson la prochaine fois qu'on se croise. Au Costa Rica, ah ouais, la classe quand même. Chanson écrite en Colombie sur une personne qui vit au Costa Rica, c'est sympa. D'accord, c'est toi qui l'as écrit, non? Ouais. T'as été en Colombie aussi? Ouais. Ah d'accord, et le Costa Rica aussi, c'est un pays magnifique. Apparemment, c'est un où il y a le plus de flore et de faune différentes. Il paraît que c'est un truc, c'est un paradis quoi. Apparemment. Alors, moi, j'ai pas été au Costa Rica. Non. Elle était au Costa Rica quand j'étais. Elle est venue en Colombie quand j'y étais aussi. D'accord. Donc, on s'est croisés là-bas. Ok. Et voilà. Donc, petit goût de voyage dans cette chanson encore. Soso, si tu nous écoutes, voilà, il y aura le podcast de toute façon, donc on va garder des traces de cette chanson-là. Et c'est une chanson, c'est un hommage. C'est quoi? c'est pour remonter le moral après une soirée difficile tous les deux. D'accord, ok. On l'écoute tout de suite ? Allez. Allez, c'est parti. Histoires et légendes. Voilà, c'était la grosse sauce, donc la tournée du Baron, donc le groupe que nous recevons ce soir dans l'édition numéro 614 de l'émission Mavrica. 614, j'espère que ce chiffre vous portera bonheur, en tout cas pour la suite. Donc on va rappeler, le groupe est composé de 5 personnes. Alors 4 sont venus aujourd'hui, il y en a un qui est excusé, donc c'est Roméo qui est le batteur, qui est resté, qui n'est pas venu cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois. Aujourd'hui étaient présents donc Matt, Valentin, Richard, Fabien, et en écoutant tout à l'heure les paroles, j'ai l'impression que c'est... Moi j'aime bien ce truc-là parce qu'on imagine, on écoute les paroles, on imagine, et t'es un peu comme un photographe qui immortalise des situations, des plans. C'est comme ça que je l'ai vu et je trouve que c'est super agréable à écouter. C'est exactement ce que m'a dit Matt quand je lui ai fait écouter. Il m'a fait dire, je ferme les yeux et je m'imagine dans le, ouais, le troquet à côté de la grosse soso. Voilà, et en plus, je crois que c'est quelque chose, c'est un morceau que j'ai déjà écouté deux ou trois fois, et je crois que c'est des morceaux qui restent dans la tête. Je pense que les gens vont l'écouter une fois, deux fois, trois fois, et après ils vont l'avoir dans la tête pendant toute une journée. Ça, c'est le genre de chanson comme ça qui s'imprime dans les cerveaux et que les gens ont envie d'interpréter. En plus, c'est super agréable, super bien. Bravo, continuez comme ça, et puis tenez-nous au courant de l'évolution du groupe, et en espérant qu'il dure très longtemps, que vous fassiez beaucoup de concerts. On va réannoncer. Ah mince, j'ai tout changé, j'ai tout chamboulé. Je l'avais, j'ai perdu. Voilà. Bon, on va le retrouver. C'est pas bien grave parce que on est sur les ordinateurs en même temps. Et vous savez, les ordinateurs, des fois, c'est un petit peu capricieux. Mais voilà. Donc le 15 mars, vous êtes en concert à Loury. Le 16 avril, c'est en 2025, hein, on parle. Hein. Le 16 avril, ça sera au petit Metz. Donc 26 avril. Pardon. Le 26, pardon. J'ai dit combien ? J'ai dit. Je sais plus. Le 26 avril, à Messas, donc au petit Metz. Le 17 mai, ça sera à Dampierre-en-Burly, au relais de Dampierre. Le 14 juin, ça sera au Narval à Vierzon. Et le 21 juin, on verra, mais il y aura sûrement quelque chose. Et après, ça sera le 4 juillet au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette. Voilà donc pour les concerts qui sont déjà prévus. Après, il y en aura peut-être d'autres qui viendront. On va rappeler aussi donc la page Facebook, la tournée du Baron. Voilà. Vous êtes les seuls à vous appeler comme ça. De toute façon, on tape ça. On n'en a pas vu d'autres. Non, c'est vrai que bon. Là-dessus, il y aura toutes les informations au fur et à mesure. Donc, pour les concerts, pour s'il y a de nouveaux concerts. Il y a aussi le lien pour le site, où il y a quelque chose quand même. Donc, Oui, il y a les dates quoi, pour l'instant. Il y a les dates, mais c'est déjà ça. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas Facebook, il faut penser à eux quand même. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Facebook, mais aujourd'hui, c'est un réseau social que, parmi d'autres, hein, dont beaucoup de gens se servent encore aujourd'hui. Je crois que c'est le numéro un, c'est la plupart des gens se servent de ça. Après, il y a des nouvelles générations qui boudent un petit peu ça, qui veulent aller sur d'autres choses. Il y a plein de choses, mais bon, il y a quand même un repère qui fait que les gens peuvent vous retrouver facilement. D'autres choses à rajouter encore, donc vous avez réfléchi depuis tout à l'heure, faire un petit coucou à quelqu'un, aux auditeurs en général. On a un gros coucou à faire à Roméo quand même, qui n'était pas avec nous. Oui, évidemment. Bisous Roméo. Il a pas pu écouter non plus alors. Il a écouté. Parce que sinon, après, il y a le podcast, donc on partagera le lien dans le courant de la semaine. Bah oui, donc il est obligé d'écouter. Donc on lui fait un petit coucou. Un petit bisou, parce que je sais qu'il nous écoute et je sais que c'est notre plus grand fan, notre papa à tous les deux. Et là, je suis sûr, en entendant, il verse peut-être une petite larme. Mais voilà, je sais que c'est un très gros soutien et merci à lui. C'est important ça. Dans la famille, quand on est appuyé, quand il y a quelqu'un qui nous aide et tout ça, qui déjà n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils ont envie, ça c'est une première chose. Parce que moi, j'en connais des gens où ils aiment par exemple un sport ou ils aiment la musique et ils veulent le transmettre à leurs enfants, mais les enfants ils l'ont pas ce truc-là. Et donc finalement, c'est une contrainte et c'est la meilleure manière de le dégoûter. Par contre, il faut être un petit peu à l'écoute, et s'ils aiment la musique, il faut les aider à faire la musique. S'ils aiment le sport, il faut les aider à faire du sport. S'ils aiment le dessin, il faut les aider à faire mais ça doit venir d'eux. On peut pas les contraindre à faire quelque chose que nous, on aime, nous. Voilà, en tant que parents. Donc, Donc c'est bien, c'est bien que papa soit derrière vous. Pour le sport, je dis pas, mais oui, pour la musique, je confirme que l'inspiration ne vient pas de lui. Mais je t'aime, papa. Ah, moi, j'ai du coup, dans l'autre sens, moi j'ai ma fille qui m'écoute actuellement et elle a dû supporter nos répétitions le soir, souvent à la maison, du coup. C'est vrai qu'on n'imagine pas ça, mais c'est vrai que tous les gens tous vos proches qui vous suivent et qui de temps en temps voudraient passer une soirée avec vous, mais vous avez répète, ou alors vous avez un concert, ou alors ceci, cela, bah oui, c'est sûr que c'est une petite contrainte, mais en même temps, bah, il faut laisser aux gens un espace de liberté, et vous, c'est la musique, donc il faut vous laisser faire la musique, et donc les gens qui comprennent ça, il faut les remercier, quoi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est voilà. Rigolo, donc, je fais un petit ricochet par rapport à ce que tu disais, Richard. Je pense aussi à mon fils qui, depuis 4 ans, alors qu'il n'est pas bien âgé, fait de la batterie, donc c'est cool, la transmission de la musique, c'est important. Ouais, bah super, alors très bien, donc la relève est assurée, donc bientôt il viendra dans les studios de Radio Rancancel avec son groupe. Ça serait super chouette. Très bien, voilà, on arrive à la fin de cette émission, alors on va dire les phrases magiques, alors que le rock'n'roll saute avec vous, yes. Que la musique en général, que la chanson française, voilà aussi. Une vie sans musique serait une erreur, c'est la deuxième phrase magique, et la troisième c'est... Everything is gonna be alright. Voilà, en espérant que le monde va pas se dégrader davantage, parce qu'on est déjà à un point très assez bas. On espère que ça ira vers le mieux. On reste optimiste. Et en tout cas, dans le monde de la musique, comme dans le monde autour de nous, on veut que tout soit beau. Et donc ça sera toujours le message de l'émission Mavrika. Ça, c'est important. Happy. Be happy. Très bien, donc la semaine prochaine, ça sera l'édition numéro, pour ceux qui ont suivi, 615. Et nous allons recevoir la bande à Pierrot. Et c'est avec eux que je vous propose de nous quitter. Hein. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle « Les mains de mon père ». Voilà, ceux qui aiment les chansons françaises, vous allez apprécier, parce qu'il y a des très, très beaux textes aussi. Et bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette émission. Je crois qu'on arrive, j'ai pas regardé l'heure. Ah ouais, bah on est pile poil. Hey. Impeccable. Merci à vous pour ton accueil. Voilà, merci à vous. Merci à vous d'être venu dans l'émission. Ça fait plaisir. Donc là, on va rendre l'antenne après. Mais derrière, il y aura les photos. Et puis, on va discuter encore un petit peu. Je sais que des fois, on se couche très tard, très tôt le matin, je dirais plutôt. Parce que simplement, on prend notre temps et puis on aime bien discuter. C'est comme ça dans l'émission Mavrika. Donc, on aime bien le contact humain. On aime bien rencontrer des gens. Et cet esprit-là qu'on voudrait transmettre. Et la musique est un bon prétexte pour justement que les humains s'unissent. Et voilà. Voilà, je parle un peu comme un vieux gourou, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, donc cette émission est terminée. Je vous remercie encore une fois. Continuez à faire ce que vous faites. C'est super bien, super agréable. Et vous avez votre essence à vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, continuez comme ça. Merci et puis, beaucoup. On garde le contact. Et vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Et ouais, puis, plaisir, ça marche. Voilà, on se quitte avec la bande à Pierrot, les mains de mon père. Il y en a qui ont toujours les mains blanches. Bourgeois bohème, bien banquier. Mais celle de mon père, en revanche, par le boulot était tachée. Il y en a qu'ont souvent la main leste. Ils dressent leur progéniture. Mon père disait, les coups je déteste. L'avait pas besoin de jouer les durs. Les mains de mon père savaient tout faire. Et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous baignait toutes les couleurs du temps. Il y en a donc souvent les mains trempes dans des entreprises funestes. Mon père était d'une autre trempe. C'est du point levé de la conteste. Et en a qu'ont toujours les mains sales. Ils changent d'idée avec le vent. Pour mon père, c'était impensable de vendre son âme pour de l'argent. savait tout faire. Et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment, sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous peignait toutes les couleurs du temps. Il y en a qui ont toujours les mains blanches, et le turbin, ça leur fait peur. Mon père avait une main franche, rêche et solide de travailleur. Il y en a qui ont les mains baladeuses, ils sont vulgaires et c'est comme ça. Mon père ne courait pas la gueuse, ma mère suffisait à son bras. Les mains de mon père savaient tout faire, et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment, sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous peignait toutes les couleurs du temps. Il y en a qui ont des mains de petits vieux, lorsque vient l'heure de s'en aller. Mon père a rejoint ses aïeux, digne jusqu'au moment dernier. Et quand sur son lit d'hôpital, en l'embrassant, j'ai pris ses mains, tu vois, ce fut phénoménal. Elles étaient blanches comme la couleur du temps. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Nas queixas, em situações como a da última semana, durante a greve parcial dos técnicos de emergência pré-hospitalares, mas os problemas não surgiram só agora. A reputação do INEM no portal da Caixa é negativa. Em 100 valores, só consegue 33. Não é de todo comum, comparando com outros organismos públicos. Existem imensos bons exemplos que conseguem ter um alto índice de satisfação junto dos cidadãos, que não é o caso, infelizmente, por parte do INEM. No portal da Caixa, o INEM responde a 9 em cada 10 denúncias feitas, mas a satisfação é inversa. Só uma em cada 10 situações é considerada